Let's go. I'm ready, boy. On devait commencer à 19h, il est 21h27. Normalement, dans une demi-heure, je dors. Il est 21h27. Je suis très content que vous ayez dit cette phrase, parce que c'est la phrase avec laquelle je commence à chaque fois. Comment ça va, Emma? Ça va très bien, écoute. Je suis trop contente de ce duo ce soir. De ce duo, parce qu'on on est quatre. Toi et moi. Ah, donc les autres, ils... Non. Ok, super. Bah, non, écoute, en vrai, je suis trop contente des invités qu'il y a ce soir. Ça va être de la... Je voulais te checker, tu m'as pas... écoute, et moi je suis très heureux d'être ici, je suis très heureux que tu nous réinvites dans cette merveilleuse maison. À côté de toi, on a la très naturelle Victoire. Comment ça va, Victoire ? Ça va, ça va. À côté de Thomas, le très heureux Thomas Osier, un peu moins enthousiasmé qu'Emma. Thomas, ça va ou quoi ? Écoute, c'est très bien, oui. Encore un plan à la Emma, c'est-à-dire, je t'ai prévenu à 18h. Donc, pour résumer, Thomas était prévenu à 18h pour dire qu'on enregistrait à 19h. Il est 21h27. Voilà, on a eu des petits problèmes techniques. Mais on y est, on est bien quand même. Oui. Déjà, je suis très content parce que Thomas est là. Oui. Moi, j'y croyais pas personnellement. Officiellement, je suis à Nantes. Hein. Oui, c'est vrai qu'il devait être à Nantes ce soir. Ouais. Voilà, et puis Victoire, elle est là, malgré le dur labeur qui l'attend demain. Oui, merci beaucoup, Victoire. Voilà. De rien, je ne fais pas le déplacement n'importe quand pour n'importe qui. Comme je dis, Victoire va rester naturelle. Hein, donc, vous connaissez le concept parce que vous êtes tous des ferventes auditeurs et auditrices. Mais pour les gens qui écoutent peut-être pour la première fois, parce que peut-être que vos copains, copines, ils vont se dire « Oh, mais t'as fait de la radio, c'était quoi ?» On va vous demander... Surtout ta copine, Thomas. Surtout ma copine. Oh, attends, peut-être que je couperai ça. Quelle copine ? Moi, je veux savoir comment ça se fait que t'as baisé tes deux colocs. Parce que t'as dit que tu nous raconterais cette histoire et après t'es parti. Ce soir on dit tout. Ah, j'en ai fait le body combo. En vrai, c'est une histoire qui est pas très drôle et qui est plus triste que ah, drôle. D'accord. Ok, donc tu nous bien la raconter, hein, mais c'est plus un podcast de soirée, quoi. Bon, mais si c'est pas drôle. C'est cocasse, c'est cocasse. Je pensais qu'il allait y avoir un peu de marade, quoi, un peu de rigolade. T'as brisé un cœur encore, Thomas ? Non. Elle t'a brisé le cœur. Mais non, mais. Elle avait pas 18 ans. C'est des histoires compliquées qui sont pas forcément très agréables. Mmh. Oui. Mais. Morale, on ne baisse pas les colocs. C'est fini. C'est une règle normalement. Si, il faut le faire, mais si pas avec deux en même temps, c'est chiant. Ah. Je suis d'accord pour cette règle-là. Tu peux en baiser une, mais pas deux. Mais trop pas. Moi, si j'avais bien une règle, et tu sais que j'en avais pas beaucoup. Hein. Mais une règle, c'est pas les colocs. Enfin, Emma, regarde la gueule de tes colocs aussi. Oui. Forcément, j'ai dit oui, non, je me désolidarise. J'ai dit oui, mais en fait, j'ai rien pensé à d'autres colocs. Et je les aime beaucoup, donc... Sinon, ouais, c'est mort. C'est que tu les as jamais vus. C'est qu'ils écoutent les podcasts que tu dis ça. Ils écoutent les posts quoi. Victoire, elle n'avait pas le dire podcast depuis tout à l'heure. Bon, évitons de traîner trop en longueur. Je vais vous poser. Emma, est-ce que tu veux poser la question à Thomas ? Bien sûr, bien sûr. Thomas, pourquoi le racisme ? Oui. Pourquoi Depardieu ? Pourquoi Depardieu sur ta photo de profil Facebook, ah Thomas ? Alors ça, c'est une très longue histoire. C'est quand j'ai... Je ne suis pas adepte des réseaux sociaux, mais disons que c'était la période où, avec Gabin, on regardait pas mal de films de Gérard Depardieu. Mais c'était une période où Gérard n'avait pas... Enfin, il l'avait fait, mais c'était pas officiel. Oui, c'était il y a 3-4 jours, d'ailleurs. Non, non, non. Ouais. Et du coup, j'avais mis ça en photo de profil pour essayer de pas donner ma photo au GAFA. Et finalement, je me suis fait ban mon premier compte parce que cette photo m'appartenait pas. Ah bon ? Oui, mon premier compte Messenger a été ban à cause de cette photo. Et du coup, j'ai refait un compte et j'ai remis la même photo. Et ils t'ont rien dit. Et pour le moment, je suis toujours là. Voilà. Et bah, félicitations. Voilà, donc on se retrouve avec un copain et des groupes Messenger et la grosse tête de Gérard Depardieu en plein milieu. Avec un petit verre de pif. Mais bref, ça c'est pas l'important. Non, ce qu'on veut savoir, Thomas, c'est pour toi, qu'est-ce qu'une bonne soirée ? Oula. Alors, fan des émissions précédentes, je dirais qu'avant tout, une bonne soirée, c'est avant tout une aventure. mais moi, je suis quelqu'un d'un peu middle, tout le monde le sait bien. Et Mais moi, ce que je préfère, c'est avant tout en fait la fin de soirée et le lendemain de soirée. Mmh. Parce que on a des primates dans l'équipe et passé une certaine heure, il y a plus vraiment d'interaction sociale. C'est juste des gens bourrés qui déambulent de chaque coin, qui est très très drôle. Mais moi, je perds un peu le fil des choses. Par contre, le lendemain matin, quand tous ces gens se réveillent et qu'ils ont encore la tête enfarinée et les cheveux qui leur poussent dans le crâne, et là, on se souvient de ce qu'on a fait. Et là, c'est à mourir de rire. Et je trouve le meilleur dans la soirée, c'est le lendemain. C'est le lendemain. Victoire dit pas toujours, c'est marrant, parce que la dernière fois que je l'ai vu au lendemain de soirée, elle avait une mâchoire ici. Là, elle avait pas vu son sac. La fois d'avant, elle avait raté la blague. Effectivement, Victoire se rappelle rarement des lendemains de soirée parce que pour elle, c'est pas des lendemains de soirée. Ah, oui. Nous, c'est le lendemain. Elle, c'est la fin. Mais juste la fin de soirée. Comme dit Victoire, pour certains, c'est pas vraiment le lendemain de soirée parce que quand on voit le nombre de permis qui se sont perdus à 11h du matin, finalement, mais je trouve ce moment où on est tous fatigués et un peu tronchés de la veille, je trouve que c'est magnifique. Et puis on dit n'importe quoi, on jacasse des moments qu'on a passés en soirée ou que la moitié ne se souviennent pas. Et ça, je trouve ça très intéressant. Non, ouais, c'est vraiment marrant. Moi, c'est mes préférés parce que c'est le moment où on peut se bagarrer un petit peu aussi, on commence à dessouler un petit peu. Ouais. Tu sais, on a un petit peu du négatif de l'alcool, on a plus le positif qui est être bourré, quoi. Mais on passe un moment, on est avec les copains, et c'est souvent le moment où on fait des clés d'étranglement et tout ce qui est bagarre. Moi, j'apprécie un peu avec les copains. Et non, en vrai, moi, c'est mes moments préférés, je pense, hein, dans l'ensemble. Surtout quand on fait les soirées ici et que du coup, il y a 45 personnes qui restent dormir. Oui, et que Marion nous réveille à 8h du matin. Oh putain. Marion va t'insulter aujourd'hui. Autour de Marion. Non, mais parce que toi, Thomas et Victoire, vous vous investissez pas les soirées de la même manière. Thomas, quand tu viens à une soirée, enfin, à chaque fois que tu m'interpelles, tu veux du bon spectacle. Tu viens à la soirée parce que tu sais qu'il y aura du bon spectacle. T'es un spectateur, Thomas. On a quelques aventuriers qui sont très jolis à regarder. Voilà. C'est Thomas, c'est vraiment le cinématophile. C'est cinématophile ? Cinéphile. Cinéphile au final. Presque. Qui est avec ses lunettes, sa cigarette électronique ou sa clope, son petit thé qui touille sa petite tasse et qui regarde et qui va noter la soirée plus ou moins de 1 à 10 en fonction de qui il y a. Et ça. C'est un critique de soirée, Thomas. Oui, voilà. Un peu le mec dans Ratatouille. Pour ceux qui l'ont, c'est du très mauvais pommerol. Donc c'est plus ça. Ça veut pas, il va pas du tout vivre ses lendemains de soirée comme Victoire Lévy. Enfin, sachant que la dernière lendemain de soirée que j'ai vécu avec Victoire, il a commencé à 16h. Quand tout d'un coup, en sortant de ma sieste, ça faisait quoi du coup? Ça faisait presque 12 heures que j'avais terminé ma soirée du coup. Hein, j'avais vécu une nuit, une journée, hein, on était à l'heure du goûter. Hein. Et là, j'ai une Victoire sauvage qui sonne à ma porte d'entrée chez mon père. La honte. La vidoame, en plus, je suis une menteuse, tu ne sonnes pas. C'est ma belle-mère qui voit quelqu'un en train de se cacher sous les fenêtres. Et qui sort de la porte d'entrée, savoir c'est quoi ce bordel. Et là, elle trouve Victoire qui était en train de se cacher sous les fenêtres parce qu'elle ne savait plus quelle était la fenêtre de ma chambre. Et elle lui dit, Victoire, qu'est-ce que tu fais là? Mon Dieu, mon Dieu. Bref. Et, attends, j'aimerais bien voir le point de vue de Victoire sur ce moment-là. Et après, on te posera la question. C'était horrible. J'étais perdue. J'avais envie d'en découdre dans cette soirée. La soirée s'est finie beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tard. Et donc, je suis arrivée effectivement chez la belle-mère et le padré, complètement larguée, en espérant qu'Emma me repère et m'aide. Puisque je suis arrivée en plus sans téléphone portable, je ne sais même pas comment je suis rentrée du point A au point B, sans passer par le point Y. Si le point Y était bien présent. Après, peut-être t'es partie à 14h et t'arrives à 17h, donc on ne sait pas. C'est pas trop comment t'en es arrivé. C'était délicat. Non, j'ai tracé, hein, je voulais. C'était la honte, hein, fallait que personne me voie. J'ai fait profil bas, tête baissée, j'ai tracé sans téléphone portable. J'attendais qu'un appel à l'aide arrive. Voilà. Et aller chercher à la maison. Mais le pire dans tout ça, c'est que moi, après coup, je me suis réveillée et il n'y avait plus d'Emma. Et j'avais soif, mais d'eau, j'en pouvais plus. Et là, je sors de la chambre, je vois qui? La belle-mère, le père et 5 amis. des parents que je ne connaissais pas. Il y avait mon grand-père quand même. Non. Si, la vie de WAM, il y avait mon grand-père, la sœur, le frère de ma belle-mère, la belle-tante et des amis. La... Enfin, la famille et des amis, quoi. Voilà. Ouais. Et oui, mais moi, j'étais partie récupérer son portable. Enfin, j'étais partie reprendre sa responsabilité, son âme, son être. Enfin, voilà, savoir ce qui s'était passé, récupérer les objets oubliés, enfin, quelque chose, quoi. Voilà. Merci Emma. Voilà. Voilà. Et du coup, Victoire, moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que déjà, cette soirée-là, par exemple, c'était une bonne soirée? Ah, c'était une bonne... 50-50. Pour la moitié que je me souvienne, c'était une bonne soirée. Il y a eu beaucoup d'actions dans cette soirée. Oh oui. Différentes, beaucoup de changements, de passements de jambes, de... Passements. Ah ouais, on s'y est allé. Il faut en dire de quoi tu parles, parce que là, c'est vraiment bizarre. Non, il rigole. Non, c'était une bonne soirée. J'ai passé une bonne soirée, mais un peu trop d'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui. Mais du coup, Victoire, si ça c'était une soirée ok, mais avec trop d'excès, c'est quoi une bonne soirée pour toi? Attends, je fais une interlude de Pinard. Hop, marié dans l'année. Déjà une bonne soirée, c'est pourquoi ça. Pourquoi tu me regardes? Bah, parce que j'ai fini la bouteille. Et Victoire! Entendre le bruit de cet alcool et de ce vin, mon péché mignon, qui coule dans le verre, c'est un bruit. Comment on appelle ce genre de bruit? Et déjà je vous jure, elle n'a pas fumé. C'est qui coule dans mes veines? Non, les bruits. Un bruit blanc? Non, tu sais, comment on appelle les bruits là, qui sont excitants, qui te mettent en mode coupe bien ou. ASMR? ASMR, voilà. Mmh. Ça. Mmh. Excitant, c'est donc le premier mot de Victoire quand elle parle de ASMR. Excitant, je suis toujours excitée à l'idée de faire une soirée parce que j'adore la fête. Okay. La fiesta, la gente está muy loca, what the fuck. Mais qu'est-ce qu'une bonne soirée? Une bonne soirée, c'est des bons copains. Pourquoi pas des inconnus, revenus dans une sauce de conneries, accompagnés d'une soupe d'alcool et un bol de tabac à fumer. L'abus d'alcool et de drogue est dangereux pour la santé. J'ajoute à cela un soupçon de bonne musique et un zeste d'imprévu. Voilà la recette d'une bonne soirée. Moi, j'aime danser, discuter, observer et écouter et boire en même temps que chacune de ces actions. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Difficile d'avoir des anecdotes, tant de soirées ont lieu, aussi chouettes les unes que les autres. Ultra naturel toujours, n'est-ce pas? Je suis. C'est parfait. J'ai écrit un texte, je récite mon texte. C'est parfait. Est-ce que tu t'es entraîné pour à le lire ou pas? Non, mais je l'ai relu deux fois. Vas-y, ma mère, quand elle faisait du théâtre, c'est génial. Et en tout cas, donc pas mal de soirées, effectivement, d'entre elles, on finit en blackout. Je répète, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. D'ailleurs, ça nous est déjà arrivé d'être entre 10 et 20 à Limouya et qu'aucun d'entre nous ne se souvienne de la soirée. Hein. Véridique. Nous aimer les lendemains pour savoir les histoires, mais ça nous est arrivé vraiment que personne ne se souvienne. Et ça, c'était terrible. Heureusement qu'il y a demi, putain. Heureusement qu'il y a demi. Et encore. C'était quoi cette soirée? Je sais plus si c'était un nouvel an où ils ont fait un... C'est vachement sympa là où... Tom en partie avait organisé dans la petite salle du fond une cérémonie d'ouverture des festivités dans notre fief festif qui est Limouya, la garçonnière. Ouais. Ça c'était vachement sympathique. Peut-être qu'il est dit, je fais le souffleur derrière le rideau. Peut-être qu'il est difficile. Celle-là, peut-être qu'il est difficile aussi. Non mais ça je vais pas le dire. Si. Pourquoi? Oh, moi c'est un super. J'ai écrit. Peut-être qu'il est difficile aussi d'avoir des anecdotes, car je vis mes soirées vraiment comme un ressenti général par lequel je me laisse porter, et ce sont ces sentiments qui restent en moi après coup. Je vis le moment présent, je suis dans le moment présent, et après, tout à fait. Je ressens et je retiens l'ambiance générale. Bon, en tout cas, moi j'ai une anecdote à raconter. Il s'agit d'une histoire avec mon cher interlocuteur qui se trouve face à moi, Barry ici. Excusez-moi, je bégaye. Ah, trop de salive. Ça va être ta fête ce soir, Barry. Ce bonhomme. Oui. Ce grand bonhomme. Oh, je sais pas du tout de quoi on parle. Que j'ai lâchement abandonné sans trop de culpabilité dans un bar dans Paname. Sa carcasse s'est endormie. Et les petites calottes et les chatouilles dans le nez n'ont pas suffi à le réveiller. Sachez, cher public, du podcast que cet homme est certes un beau gosse plein de classe à la carie. Il a la morphologie, quand même, d'une armoire en briques style art déco, remake, hip-hop. Impossible à déplacer. Bref, la suite. Il pourrait peut-être la raconter mieux que moi. Oui. Mais dans mes souvenirs, les videurs ont réussi à le sortir sur le trottoir, devant le bar, où il a retapé un petit dodo avant d'être réanimé. Le réveil a dû se faire grâce à un homme tenté par le fessier de mon ami. Dans nos histoires, tout est bien qui finit bien. Il a retrouvé son chemin, repris ses esprits et gardé son anus en vie. Oh, j'adore! Alors, quel souvenir! Félicitations, mais bravo pour la chronique. Je salue l'aisance et l'attitude. Oh, cela dit, je me suis fait droguer dans cette soirée. D'accord? Tu te souviens ce qui s'est passé dans cette soirée? Non. On est arrivé au bar, j'ai tapé. Il y avait une pinte toute seule sans surveillance. J'ai tapé la pinte. Ah. Et ma soirée s'arrêtait là. Ah ouais, mais c'est dur. Mais c'était quoi, pourquoi on a atterri dans ce bar derrière? On était parce que c'est non, on n'était pas que tous les deux. On était avec, il y avait Jordan et toute cette bande là. Ah oui. Et ah eux oui. voulaient absolument aller là, mais on est allé devant, il y avait plus de place, donc on allait dans un bar à côté avec une pote à eux et ses potes à elle qui étaient italiens, et tout, ils parlaient italien. Et moi je me dis putain, mais c'est super bien l'italien, il parle super bien, c'est super intéressant, c'est super beau. Et voilà. Et ensuite on a fini par pouvoir rentrer, on y est allé, on est descendu au sous-sol, j'avais trop soif parce que du coup on a bu un verre dans le bar avec les Italiens et tout. Mm. On avait bu une bière chez les potes de Jordan et tout, ou chez Jordan peut-être, je sais pas. Et on descend et on arrive au bar et je vois un verre vide. Et moi, c'est une époque où j'adorais prendre des verres. Il y a un verre, je prends, je bois. Ouais, c'est gratuit, c'est sympa. Et je me disais, si je le bois pas vite, il y a moyen que quelqu'un revienne et me dise, bah c'est mon verre. A raison. Du coup, mon objectif c'était de le boire le plus vite possible. Je tape ce verre, fini, fin de soirée. C'était mon deuxième verre de soirée, fin de soirée, cash. Je reprends, moi ma soirée ça se passe comme ça, je bois ce verre, je vois la pièce qui est derrière avec des miroirs partout. Quelle mémoire quand même. Et je me réveille sur un trottoir. Blackout complet. Mais je me réveille sur un trottoir mais genre dans un état pas possible, genre je me sens trop mal. Genre, en fait je me sens pas bourré du tout, mais genre j'arrive pas à émerger quoi. Et genre mon estomac est tordu, genre je sais pas si j'ai vomi ou pas mais genre je suis... Mais vraiment pas bourré, tu vois. Genre, j'ai pas de. Je suis comme si j'étais sous morphine ou un truc comme ça, tu vois. Et là, il y a un mec qui me secoue, qui me fait: mec, tu peux pas rester là, viens chez moi et tout. Et là, pris de panique, parce que je pense, moi, dans ma tête, à ce moment-là, je pense que je suis éteint, tu vois. Et là, pris de panique, je me dis: putain, mais je suis pas bourré. Genre, tu reconnais quand t'as trop bu et que t'es vraiment KO. Et je dis: mais je suis pas bourré, qu'est-ce qui se passe? Et là, le mec me fait: ouais, viens chez moi, tu peux pas rester là, viens chez moi, tu peux pas rester là. Crise de panique, je suis en mode: mais en fait, je crois qu'il veut me violer. Et je pense que c'est lui qui a dû. Il a dû me droguer et c'est lui qui il veut me violer et il veut me ramener chez lui pour me baiser et tout. Ouais, à ce moment-là, dans ta tête, tout. Et donc, je me lève. Donc là, à ce moment-là, il est 6h30 du mat. Le bar fermé à 4h. On est rentre. Donc, 4h ou 2h? Pendant 2h ou 4h? Je sais pas. En fait, je sais pas si c'est fermé à 2h ou à 4h. Mais dans tous les cas, moi je suis rentré dans le bar à minuit et demi, minuit 35, c'est la fin de mes souvenirs. Et je me réveille à 6h30 sur le trottoir, la tête dans les... Et il y a le mec qui me dit ça, et donc je suis terrifié, je me lève, je tiens pas debout. Non, je me lève pas. J'appelle Victoire parce que le mec veut vraiment me ramener chez lui. Victoire répond pas. Je rappelle, elle finit par répondre, fait: mais oui, mais t'étais endormi, tu te réveillais pas, je t'ai dit, j'y vais, je te mets les clés dans la poche. Et tu m'as dit... Du coup, je t'ai mis les clés dans la poche, je suis parti. T'en souviens pas? Mais non, je m'en souviens pas, putain. Mais j'arrivais à rien. Hein. Impossible Et du coup, je mets rien dans la poche et là, je sens la clé et je fais: putain de merde, trop bien. Quasiment plus de batterie sur le téléphone, rien. Vraiment move de ta part, Victoire, par contre. Oui. Bah. Et donc, je dis au mec: non, c'est bon, j'ai mes potes. Et je me lève et je pars. Je vois la station de métro qui est genre. Je la vois de loin, quoi. Je vois qu'elle est là. Et donc il y a deux croisements, mais dans l'angle des deux rues je peux voir qu'il y a le M et tout. Donc j'y vais, cash, je rentre dedans en mode tiens, tu vas boire Rosie, est-ce que tu veux un petit peu de vin? Non, de la bière? Non, merci. Et donc je me dis: vas-y, j'y vais. Et je dis: non, t'inquiète, c'est là. Et je dis au mec: t'inquiète, c'est là. Parce que ça qui était trop bizarre, c'est que j'étais vraiment lucide dans mes réflexions, juste mon corps répondait pas. Mais oui, parce que dans mes souvenirs, pour moi, t'étais pas dans le mal, j'ai pas vu dépérir. Pour moi, t'étais juste KO, t'as tapé une fatigue, je me suis dit, il faut juste qu'il dorme et puis terminé quoi. Et du coup, je rentre dans le premier métro qui passe, je prends une photo du nom de la station en me disant je prends la photo pour savoir où je suis. Entrée. Balneuve. Je prends une photo en me disant faut que je sache où je suis. Et je m'assois dans le métro et évidemment je m'endors. Bah oui. Et là ça redevient drôle. Je m'endors, cache. Et là il y a un mec qui me secoue. Il fait hey, c'est le terminus là. C'était le chauffeur du métro. Et on était deux dans la voiture à s'être endormi. Et il nous secoue. Il me dit bah alors les gars, on a fait une grosse soirée. Et je fais qu'est-ce qui se passe. Il fait ah t'es trop bourré ou quoi. Et je fais ah mais je suis dans le métro. Il fait ah. Et donc il vient changer de côté. Donc j'avais raté la station, donc je reste dedans. Je sors, je fais mon petit transfert et j'arrive chez Victoire à je sais pas 10h. J'ai rendez-vous avec la ministre de l'égalité des chances à 12h, tu vois. Je suis éteint. Je rate un rendez-vous qui aurait pu changer ma vie, mais bon, pas ça. Et t'as raté le rendez-vous ? Ben oui, je l'ai suivi en live parce que en gros c'était une on avait un rendez-vous ensemble avec la meuf, avec une asso avec qui je travaillais. Et ensuite, on avait 1h30 de conférence. Et donc, j'ai raté le rendez-vous. J'ai regardé la conférence sur Internet. Et voilà. Et on s'est emboucané avec elle. On a perdu plein de financements. Ouais. Ah, quand même, hein, de 2h30 à 10h, il y a eu un gros laps de temps. T'as dû dormir longtemps sur toi. J'ai commencé à bouger à 8h et quelques. C'est chaud. Vous savez que là, vous pouvez communiquer. Il y a Thomas et Emma qui parlent en non-verbal depuis tout à l'heure. Et qui fait des bières qui passent entre Victor et moi. Je sais pas ce qui se passe. En fait, Emma et les bières, c'est une très grande histoire. C'est qu'Emma a l'habitude de conserver les bières dans sa chambre, ce qui est une cave fort sympathique, surtout l'été à 38 degrés. Et Emma me ramène souvent des bières en me disant « Tiens, c'est des bières artisanales, elles sont très très bonnes. » Et une sur deux, ce serait mentir, mais 75% des bières qu'elle me ramène, elles ont tourné. Donc c'est devenu du vinaigre. Et là elle m'a tendu en off, là, elle m'a tendu une bière, elle m'a fait « Si, t'inquiète, c'est bon ça, oui, ça va être très très bon. » Hop, je l'ai ouvert, une odeur de vinaigre, je lui tends la bière, elle me fait « Mais si Thomas, c'est très très bon. » Ah bah au moins ça c'est artisanal. Goûte pour voir, goûte pour voir. Ça sent pas très bon, mais en fait c'est bon. C'est pour ça. Non, mais j'ai une petite tendance, un peu comme ma mère. Il faut un peu checker tout ce que je propose en termes de nourriture ou de bouffe. Mais Emma, ici, dans t'es conscient que c'est une bière à la myrtille ? Oui. Ah, j'ai appris que certaines bières, fallait jamais les coucher. Faut les laisser debout. Ah ouais ? Pourquoi ? Là, ça goûte tout sauf la myrtille. C'est l'explication. Alors, je suis un goûteur impartial, je vais vous dire ce que ça goûte. Effectivement, ça goûte bien le cul. Ça goûte bien le cul, mais non, mais c'est juste que c'est que la métier goûte le cul. T'es bien que tu goûtes, ça goûte le cul. Hein. Tout ce qui est fruits rouges, de toute façon, je vois pas à quel moment passer une bonne soirée pour avec des fruits rouges. Bref, voilà, c'est pas très bon. Merci Victoire pour cette chronique, c'était très très beau. Ah ouais, de fou. Merci Victoire, le texte était vraiment beau. Et puis l'aisance. Oui, c'est surtout pour c'est moi. Fou. Pour moi qui sais pas lire, je suis impressionné de. Autant de mots, mais autant de mots d'affilée, c'est fou. Autant de mots d'affilée. C'est un beau texte, ça m'a donné envie de faire des chroniques. En tout cas, pour conclure et pour finir. Oui. Putain, il y a une conclusion. Une pensée à toutes mes affaires perdues et abandonnées en soirée. Une pensée à toutes ces soirées différentes. À celles qui durent 12 heures à tasser le sol ou à te laisser transporter par la vibes de la musique. À celles qui permettent de tisser des liens plus forts avec tes amis ou des personnes éphémères. À celles qui finissent dans la mer au petit matin. À celles qui s'arrêtent ou pas par l'intervention des policiers. À celles qui finissent par un plat de pâtes et un vomi. Bref, ma conclusion, exactement, c'est amour, respect et liberté. For motherfucker, for the good soirée. Oh yeah, yeah. C'est trop cool. Like it. Franchement, j'aurais pas foutu la main dans la bière de Rosier qui vient de déborder. Je suis en train de dire, venez, on arrête parce que c'est trop bête de pas arrêter sur un truc aussi beau. Non, c'est trop bien. Tu feras des recoupages et tu remanieras. Ah non, c'est trop beau. Non, en fait, tu diras ça en fin d'épisode, j'adore. Non, tu vas nous en réécrire un pendant la pause et tu en fais un autre pendant l'épisode. Ouais, j'adore. Ah non, franchement, Victoire, je salue. Oui, est-ce qu'on peut avoir la serviette? Deuxième bière qu'Emma me donne. Ça fait 3 mois qu'il est prêt, le deuxième échec. Mais non, c'est un épisode artisanal. Mais par contre, pourquoi t'as mis du truc dedans et tu t'es pas dit que ça allait déborder? C'est une idée d'Emma. Donc sache que je suis un peu préoccupé par tout ce qui se passe. Ah mais non, mais t'as mis du sirop dans la bouteille de bière. Niveau microphone, Emma me dit très bonne idée, mets du sirop dedans dans ma bière dégueulasse. On sait jamais, sur un malentendu. Mais tu t'es pas dit que ça allait déborder? Si, mais après. Alors là, ce qui vient de se passer, c'est pas très audiophonique, mais ça permet de rendre compte un peu de l'ambiance de soirée. Oui. Un petit peu. Si je peux vous transmettre quelque chose, des amis auxquels je me suis entourée, avec qui je vis quotidiennement, avec qui je peux vivre des choses, c'est exactement ce qui vient de se passer. Des choses extraordinaires et des choses extraordinairement con. Et surtout c'est en même temps, Victor qui fait un monologue. En même temps, mais en même temps, sinon ça ne serait pas drôle. Et moi, on me demande de gérer tout ça. Et moi, je le prends avec grand plaisir. Alors là, pour le coup, je m'en dédouane pas. Et je participe un peu au fait que ce soit de la connerie. Mais j'aime beaucoup. Bref, mon pantalon est trempé. Merci Emma. Putain, avec grand plaisir. Pour ta bonne humeur et ton enthousiaste. Et ma présidente de 25. Bon, 27. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas mis un petit effet sur le mic. Voilà, A, B, donc, C, D, E, F. Merci pour cette première cette, donc, cette chronique et cette première... Conclusion, une bonne soirée pour Victoire. C'est Barry, complètement drogué et abandonné. Non, c'était une anecdote, voilà. Mais... Voilà, voilà. Non, mais on retient. C'était assez... Non, c'était pas cool. Non, mais après non, c'était pas cool. Mais après, vous me connaissant, vu que vous savez que je m'endors un peu partout, je comprends que t'aies cru que je m'étais endormi, tu vois. Et genre, mais moi je m'endors dans des endroits où je me sens en sécurité en général. J'ai une anecdote. Dans des voitures par exemple. Après le canapé était confortable. En train de conduire par exemple. Non. Paris. Pas en train de conduire. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je répète, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je répète, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ne conduisez pas en ayant pris un verre. C'est insupportable à écouter. Moi j'adore. Du coup, t'aurais dû mettre les fesses dessus. Ouais. Les amis, on va partir sur le second arc de l'épisode comme j'aime l'appeler. Victoire nous a fait une magnifique transition. Du coup, je me permets de demander à notre second invité, à part si Emma, t'as une anecdote pressante que t'as envie de raconter. Aucune. Thomas, est-ce que t'aurais un truc à nous raconter, une histoire qui se serait passée pendant une soirée, pendant que tu faisais la fête? Alors Barry, ça ne sert à rien de simuler comme quoi on fait ça de mémoire. Oui. J'ai quand même préparé... quelques anecdotes. Toi, t'es un professionnel, toi. Bien évidemment. Mais Thomas, c'est vraiment... Je crois qu'il est trop habitué à me fréquenter, au final. Ah oui, c'est qu'il faut apprendre l'improvisation, tout simplement. C'est le principe du pote. Thomas, et j'ai appris qu'il y avait les épisodes il y a quoi ? 2 semaines ? Que la garçonnière, le podcast garçonnière sortait. Thomas, tu lui as appris qu'il y avait les épisodes ? Ouais. Ok. Enfin, non, je l'avais dit avant, mais comme Thomas m'écoute une fois sur 40 000, et ça lui est passé au travers. Et l'autre jour, il s'est dit, bah, allez, je rentre sur Nantes une fois par semaine, je vais écouter les épisodes. Et là, je retrouve Thomas ayant écouté l'ensemble des épisodes, ayant toutes les refs, et me parlant que par ref, d'ailleurs, maintenant, à chaque fois qu'il y a une réponse. C'est à base de références, et il a préparé des anecdotes, sachant pertinemment que le prochain invité, ça allait être lui. Non, pas tout à fait, parce que je ne vais pas cacher à l'audience, je suis très stressé d'être ici. Oh. Mais j'avais plusieurs histoires. Une très très longue avec Emma, qui n'est pas drôle, qui est juste pénible, mais en même temps, mais en même temps c'est avec Emma, donc on ne peut pas lui en vouloir. J'ai une histoire qui met en scène Barry, ici présent, mais comme d'habitude, sur les histoires où passé 6 heures du matin, il devient incontrôlable et ingérable. Oh putain! Est-ce que c'est la drôle? J'ai une bouteille de sirop dans mon sac. Oui, je t'ai... Et en plus, cette anecdote peut mouiller 2 personnes, parce que c'était l'enfer. Oh, je la veux! J'ai une petite anecdote courte d'Emma, qui explose mes clés. Quoi? Oui. Bon, commence par la courte. La courte? La courte. Comment on fait la courte après? On va faire vite. C'est le bureau des plaintes. Pour vous dire l'état de la fille, je suis à Poitiers, je fais soirée à Poitiers, je trouve Emma dans la rue. Voilà. Et tu trouves Emma comme ça? Voilà, c'était Poitiers, c'était l'effervescence de Poitiers. Et je trouvais Emma dans la rue, elle me dit viens, monte, on va chez une amie. Et je me retrouve dans un appartement qui était dans des espèces de, comment dire, pas de HLM, mais de grandes tours à Poitiers. Mais et ça date, ça. Oui, ça date, ça date. C'est mais 2018, mais je me rappelle même pas de quoi tu parles. Elle s'en rappelle même pas parce que ça s'en rappelle pas. Mais et du coup, je monte là-haut. C'était vraiment le dernier appartement. C'était vraiment un cliché. C'était le dernier appartement qui donnait tout en haut. Je monte, je vois qu'Emma est dérouillée. Moi aussi, je suis dérouillé. Je redescends quasiment aussi vite. Je pourrais même pas me dire qu'est-ce que j'ai foutu là-haut. Seul truc, c'est qu'en descendant, j'ai oublié mes clés de maison. J'appelle Emma, elle me dit pas de souci, j'ai tes clés de maison. Et moi, je dis vas-y, je remonte. Je vais les chercher. Et Emma, elle me fait non, t'inquiète. T'inquiète quoi? Je viens de te les lancer par-dessus le balcon. Quoi? Et sur ce trousseau de clés, il y avait les clés avec mon beeper de portail. Et j'ai passé mon temps, à, je sais pas, une semaine, le temps que mon proprio me donne un nouveau beeper de portail, à demander à mon voisin d'ouvrir la porte du beeper du portail. Puisque le beeper de portail a fait un vol plané de 25 mètres pour arriver directement sur le trottoir. Mais alors là, Thomas, tu aurais pu me parler de la présidente, de je sais pas, de qui tu veux, je ne me rappelle absolument pas. Non, mais c'est vraiment cette idée où je te dis, vas-y, je monte, tu me dis, non, t'inquiète, pas besoin. Comment ça, pas besoin? Mes clés étaient en haut, Emma. Non, mais Thomas, il va falloir les... Je viens de les jeter du balcon, Thomas. Mais Thomas, il va même falloir des détails, parce que là, je n'ai aucun souvenir de quand. Mais Thomas, t'es bête, elles sont déjà en bas. Pourquoi? Fais pas d'effort, Thomas, réfléchis. Moi, je pense... Elle lève la tête, enfin. Que cette anecdote est fausse. Ah, mais c'est totalement vrai. Totalement vrai, ma grande. On était... Je sais pas si tu vois où était la rue où j'habitais. On passait la cathédrale, et après, il y avait des maisons qui étaient là. Et on est arrivé chez une amie à toi, où je ne sais même pas qui c'était. C'était tout en haut d'un bâtiment, et je sais que j'étais avec toi, on s'était suivi. Après Place du Marché ? Non, c'était entre Place du Marché et Cathédrale. C'était une maison qui était là. Qui était... Une maison ou un immeuble ? Un immeuble, mais c'était un espèce de logement qui était là, et qui était en haut d'un immeuble qui faisait... c'était un bar d'immeuble, et tu étais là. Chez la sœur de Barry ? Non, j'ai un doute. Ah ! En centre-ville ? Ouais, en centre-ville. Et je me demande, tu vois, tu me fais le doute si c'était pas si c'était pas celle-là. C'est possible. Et c'était la charte de à côté de du tribunal, du palais de justice ? Non, c'était pas à côté du palais de justice, c'était de l'autre côté. C'était de l'autre côté. Alors là. Et je me demande si on cette soirée-là, il y avait pas Vincent Ortebise aussi qui traînait avec nous. Très probablement. Mais c'était une soirée un peu micmac comme ça où moi je descendais avec mes copains, j'ai croisé Emma et puis elle m'a dit viens avec moi. Je suis monté là-haut, ça m'a pas plu, je suis redescendu, j'ai acheté mes clés. Voilà, Thomas, quelle quand je dis que Thomas, merde, c'est un Thomas. Spectateur de soirée, c'est-à-dire bah, c'est surtout le thème, c'est qu'est-ce qu'une bonne soirée, merde. Il a fallu que j'explique à mon proprio pourquoi mon trousseau de clés était, pas cassé, mais inexistant en petits bouts. Ouais, oui. Mais d'ailleurs, je me faisais la réflexion tout à l'heure dans ma voiture. Parce qu'en termes de souvenirs et racontage de souvenirs, je suis pas la meilleure, parce que très souvent, je m'en rappelle très peu. Et je pense avoir créé tout ça parce que je me rappelle pas de mes soirées et du coup mes potes me racontent des souvenirs comme ce qui vient de se passer là. Alors d'habitude, genre on m'a dit, il me faut, allez, 30 secondes et je m'en souviens, tu vois. Là, la vie de Wham, je ne m'en souviens mais absolument pas. Tu t'en souviens pas du tout. Mais en vrai, c'était très futile. Hein, c'était très futile. Juste, mais ce genre de conneries, ça se souvient, je pète tes clés de portail. Mais non, parce que en fait, l'interaction que j'ai eue avec toi, c'était oui, je t'appelle, tu me dis oui, tes clés, elles sont là. Je te dis ben, je monte, tu me dis non, je les ai envoyées je les ai jetées par la fenêtre. Et fin de chantier, t'as raccroché, tu vois. Et c'est moi. Fin de tournage. Et c'est moi qui ai fait après. Mais elle est complètement con. Elle vient de jeter mes clés avec mon beeper et tout. Tu sais, c'était un gros trousseau de clés. Et le truc était explosé. Mais pourquoi ? Mais c'était la logique dans ton cerveau. Et moi, j'ai trouvé ça. En même temps, je t'en voulais. En même temps, j'ai fait les cons. En même temps, c'est pas tant débile que ça. Moi, je trouve, c'est rapide, efficace. Oui, mais encore. Pas tant efficace. Encore, mais encore, t'es au deuxième étage. Là, vraiment, le truc était immense. C'était immense. Le bâtiment. Oui. Troisième étage de la Tour Eiffel. Et hop. Après, pourquoi Emma a une logique particulière quand elle est bourrée. Après, ça, c'était l'anecdote courte. Hein. Imagine l'anecdote longue. Emma a une logique vraiment particulière quand elle est bourrée. La dernière fois que je l'ai vu bourrée, c'était ce week-end. On sortait d'un match de basket. Et, match de basket ? Oui, match de basket, c'est oui, ça. Oui, match de basket. Et on prend un grail, panini, machin et tout. Non, on a plus faim. Et si on chopait genre une bouteille de vin dans une épicerie ? Pas l'épicerie. On trouve un truc qui peut nous le faire livrer et tout. Et on se dit, tiens, si on se prenait un truc à grignoter, elle fait oh, un mont d'or ! Et on a mangé un mont d'or à 2h du mat. Je trouve ça cohérent, Emma. Je trouve ça cohérent. Mais on est d'accord, c'est trop bien. La logique est logique. Quoi ? Ok, très bien. Ouais. Un mont d'or, c'est un fromage que tu fais rôtir comme le camembert rôti. Ah non, je connais pas le mont d'or. Moi, je connaissais pas parce qu'il y a pas longtemps et c'est la frappe, c'est trop bon. Et Victor, tu vas complètement apprécier ce que Barry a fait. C'est un camembert chaud. C'est un gros camembert et très crème. Pas très affiné. Okay. Et Barry, dans le four. La vie de Wham ? Oui, dans le four. Et j'ai rien fait de plus, on peut arrêter cette anecdote-là. S'il te plaît, je peux te dénoncer. Oui, vas-y. il a fini ses pop-corn, il l'a trempé dans le Mondor pour les manger. Ah ouais, mais je pense que j'aurais essayé aussi. C'est la frappe, je te jure, c'est la frappe. Mais ouais. Oui, mais oui, je peux pas te le raconter à toi, Victoire, tu as essayé tout ce genre de conneries. En fait, ce qui s'est passé, c'est pas ça. C'est qu'Emma, elle faisait que s'endormir, du coup, pareil, frustré. Oh il graille, tu vois. Donc je mange tout. Et en fait, je pensais que c'était un big fromage, tu vois. Et donc je mange et là, il n'y a plus rien. Et je me dis, vas-y, je vais mettre du popcorn dedans et je vais secouer les popcorn, d'où ça va accrocher un peu le fromage qui traîne. Et tu restes quand même inexcusable. Hein. Oui, moi, je trouve que c'est quand même. Alors, il n'y a plus Emma. Emma, je crie dans le micro. Alors, j'annonce à nos auditeurs que Victoire commence à sortir les plantes. C'est ma clope électronique non, mais, à la bizarre. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'elle fait ça genre scred. Le micro entend tout. Hein. Ah bon ? Comment ça, il entend tout ? Il entend pas quand je suis à plus de 15 cm. Il t'entend mal, mais il t'entend quand même. Ouais. En tout cas. C'est une clope électronique avec des herbes à mettre dedans ? En gros, ouais. Merde. Raconte à nos auditeurs. C'est un poivrier électrique. Je ne comprends pas ce que c'est. C'est un poivrier. En gros, c'est comme une clope électronique, effectivement. Et tu tasses la beuh ou le CBD dedans. Non, il n'y a pas question de drogue ici. On met que des herbes, non ? La beuh ou le CBD ? Ok, d'accord. L'herbe. Ok. Et c'est super bien parce que du coup le goût est bon, ça va même un peu intensifié et en même temps, eh ben il n'y a pas la comment ça s'appelle la quand flamme. Tu la combustion. Merci t'es Thomas. Ingénieur, toi, non oui. Ah j'essaie. Voilà donc c'est médicinal en fait. Fumer du CBD là-dedans c'est très médicinal. Victoire, j'ai un peu envie de goûter, mais moi, la question, ça fait rien du la tout. La question hein. Qui me hante c'est où est-ce que tu achètes ces trucs là. Bah c'est ma copine Lucida Silva, Bisou, Lucida Silva, dédicace. Mon dealer s'appelle. Alors, Jérémy Chevron. Il habite au 18 rue de Comporté à Dior. Le CBD est légal. Et non, Lucida Silva m'a vendu cette clope électronique exprès. Et effectivement, c'est aussi elle qui me vend le CBD. Mais putain, mais t'as la gueule. C'est légal. Et Victoire passe une dédicace à tous les dealers de la Micaline. Victoire, non mais t'avais Loïc qui name drop les gens qu'il aime pas. Et Victoire, elle name drop son dealer de CBD. De CBD, cela dit. On a payé cet épisode dédicace à Lucida Silva. Voilà. Et en tout cas, moi je voulais dire tout à l'heure. Faut que je parle dans le micro, Victoire, s'il te plaît. Revenir sur les idées que l'on a quand on est bourré. Et moi, je trouve quand même, globalement, que on fait preuve de génie quand on est bourré. Vraiment, je trouve souvent que toutes nos idées portent leurs fruits, qu'on est à la fois dans le penser, dans l'action. Et non, c'est bien. Que ça soit culinaire, que ça soit de conneries, c'est toujours bien. Un jour, quand j'étais bourré, je voulais me faire des œufs, mais j'ai pas trouvé de poils. Du coup, Alors, j'étais pas tout seul, j'étais avec Loïc. Et je trouve qu'on m'a tenu rigueur. On m'en a tenu rigueur à juste moi, alors qu'on était deux dans cette histoire, d'accord. On a cassé des œufs dans un plat en argent, on l'a mis dans le four. Ah ! Et après, on s'est endormi. C'était goûté bon, ça déjà. On n'est pas toujours intelligent. C'était à manier. Surtout ah, si putain, y a Loïc oui, c'était chez Barry, effectivement. Mathis. C'est moi et moi, bon, ça ils fait ont moi. Jamais, ils ont jamais réussi à le nettoyer. C'était le plat de la grand-mère. C'est normal. Écoute, pardon de ne pas fréquenter des plans en argent régulièrement. Moi, je suis de la classe ouvrière, d'accord ? Ah oui, non, mais c'est vraiment le genre de connerie où, en mode, ça te fait tellement yesh. Et il y a l'autre partie en mode, tu peux pas en vouloir à la personne parce que cette personne ne l'a soit pas fait exprès, soit parce qu'elle sait pas, soit machin. Oui, il y avait de quoi m'en vouloir là, quand même. Il y avait quand même de quoi t'en vouloir, tu vois. Mais y a... Nous en vouloir, c'est ça que enfin, je voulais dire. Vous en vouloir. Et à ce côté, il y a un mode, mais putain de merde, mais c'est trop chiant. Ouais, j'étais un peu fier de... Non, pas fier du tout. Pas fier du tout. Mais avec du recul, je trouve ça quand même super drôle. On a cassé des œufs dans un plat, on l'a mis au four, après on l'a fait... Ciao ouais, et on est couché. Ce qui est drôle, c'est que vous êtes endormi. Non, c'est bon, c'est pas drôle, ça aurait pu cramer. Ça aurait pu tout cramer. C'est drôle parce que ça n'a pas cramé, tu vois. J'ai des anecdotes bien plus drôles, on parlera plus tard. Ouais. Babylone brûle. Babylone brûle. Mais... cet épisode est insupportable à écouter. Moi, je pense qu'il y a un moment où tu commences à boire, le moment un peu d'euphorie, moi je le trouve génial. Tu parles de moi ou tu parles de, en général? Tout le monde, de manière générale. Il y a un moment d'euphorie qui est vraiment génial, oui, où t'es un peu plus déshibitionné, c'est un peu le principe de l'alcool. Déshibitionné. Déshibitionné. On n'arrive pas à parler ce soir, on a inventé au moins 5 mots depuis le début du podcast. Français, je pète ma tête. Déshibitionné. Eh ben la désinhibition. Désinhibé. Désinhibition, ça n'existe pas. La prohibition, ça existe. Mais si, t'es désinhibé. Désinhibé. Non, fais pas choquer, hein, parce que quand je te dis il y a deux jours, j'arrive plus à parler, je trouve plus mes mots, tu me dis, mais non. C'est une preuve que si. T'es juste bête, hein. Tu t'enfonces, là, Emma, tu t'enfonces. Donc oui, ce que t'aimes bien, c'est le fait d'être désinhibé, c'est ça? Pardon. Ouais, j'aime bien. J'aime bien être désinhibé. Il y a ma mère qui... Ah oui, t'es surprise. Ouais. Qui est rentré en scène. Bah Domi, viens. Est-ce que tu peux dire bonjour au micro? Vous n'avez pas vu ce qui vient de se passer? Mais ma mère a fait une entrée en scène, mais digne, une BD. Attends, ça et parle dans le micro. Je voudrais quand même pas être... Pour regarder. Oui, mais maman, c'est pas de l'image, c'est de la radio. Encore une radio. Oui, c'est de la radio, maman. On est déjà tout ringard. Si t'as pas compris le sous-entendu, c'est tout simplement. Oui, que... Manu, c'est la radio. Manu du système. Tu n'es pas regardable. Ah, maman, oui. Quelle est votre radio préférée? Énergie 69 Manu. Vous avez gagné 12 mois de factures payées, que ce soit eau, électricité, c'est Manu qui s'en charge. Non, moi, il y a un truc très drôle. C'est vrai, je préférais le fioul. D'accord. Vous avez gagné 12 mois d'un gigolo qui interviendra toutes les semaines, le dimanche, de 19h à 18h. Petite... Ah, elle a pas dit non. Elle a pas dit non. Domi, je peux te couper 5 minutes, mais quelque chose de très marrant. Comment tu appelles le village qui est vers là-bas, là? Comment ça s'appelle? Alors là, ici, tu es à Limouya. Oui. Et le village juste après, c'est la Maisonneuve. Non, encore plus loin, vraiment encore plus loin. Là, il y a les silos. Grinzet. Il y a où les silos? Frontenay, t'as un silo, t'as... Ah, dommage. Comment tu as appelé Frontenay la dernière fois? F2R. Voilà. Voilà. C'est ce que je voulais. Comment ça, vous étiez à F2R? Voilà. F2R, c'est quand même les filles qui l'ont appris comme ça au collège. Hein. Énorme. Belle et région. Oui. Belle région. Moi, j'ai une question pour toi, Domi. Ouais. Pour toi, c'est quoi une bonne soirée? Ah ouais, maman, pour toi, c'est... Faut que tu répondes dans le micro, maman, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'une bonne soirée pour toi, maman? Une bonne soirée, c'est quand on est avec tous ses potes. Ouais. Ses meilleurs potes en général. Hein. Peut-être d'autres potes qui arrivent et tout, et puis qu'on s'éclate. Parfois, on ne se souvient pas trop ce qu'on a fait. Ouais, je répète, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. La garçonnière est témoin. Mais ouais, c'est ça surtout. Pas forcément quelque chose qui est prévu. Oui. Voilà. Exactement. Une aventure, on sait pas trop. Non, mais pas dans le sens. Enfin. Et est-ce que t'as un truc marrant à raconter qui t'est arrivé en soirée à toi? Ouais, ça remonte, mon pauvre Barry. Plus c'est vieux, plus ça fait. Ouais, parce que nous, à l'époque, on allait aux baloches, parce que les boîtes de nuit étaient très très très chères, donc on allait au. Oui, c'est les balles, le baloche, on appelait ça le baloche, donc on allait à Briou. Au plus loin. Sur Boutonne. Bien sûr. Mais tu sais, en deux chevaux, il faut un certain temps. Hein. Voilà, puis on allait à Fort, etc. Et on avait... au départ, c'était les balles. Donc on allait aux balles, et puis tu sais, ils mettaient un tampon, là. C'est quand tu payais ton entrée. Violet. Avec de l'encre bien, bien grasse. Et donc, nous, à l'époque... La plupart de nos parents ne pouvaient pas nous aider ou ne voulaient pas parce que fallait qu'on se démerde, voilà. Et donc, on mettait ces tampons violets, c'était apocalyptique, méga dingue, c'est-à-dire qu'ils te mettaient un truc... Méga dingue. T'avais un truc violet, soit comme ça, qui te tatouait pendant 8 jours. Et bien, pour ne pas payer 2 ou 3 entrées, on faisait On se lavait pas. Ah ouais. Comme ça, tout de suite après. Ça, ça se fait encore. Hein. Voilà. Ouais. C'est et la après, ça s'est corsé, puisqu'après, ils ont fait des trucs fluo, donc on pouvait plus les calquer. Voilà. Alors, un truc rigolo. Un bal à Fort. Oula. Emma, c'est là où t'as été procréée. Non. Et mes copines, hein, bien sûr, hein, ma sœur aussi, etc. Bref, on est au baloche à Fort, etc. Donc, c'était, je sais pas, à l'époque, ça faisait quoi, 1 euro l'entrée, hein, l'équivalent, c'était 1 euro l'entrée. Ben, c'était 6 francs l'entrée, hein, voilà, mais les boîtes, c'était, je te parle ça il y a 40 ans, hein, donc, les boîtes, c'était l'équivalent, 50 euros, donc, toi, on allait au baloche. On a perdu tout le monde. Donc, on va baloche à Fort et tout, etc. Bon, bref. Les garçons picolaient, bien sûr, comme d'habitude, puisque les boissons alcoolisées étaient moins chères que la limonade et les sodas. Bon, voilà, c'était comme quelle ça. Quelle belle époque. Attends, ça coûtait combien, genre, un verre normal? Au jour d'aujourd'hui, je te dirais 1,50€. Mais c'était... À l'époque, c'était hyper cher. Enfin, ouais, par rapport au salaire et tout ça, quoi. Faut remettre dans le contexte, quoi. Et donc, nous avions nos potes, etc. Et bon, Manu était sur Paris, il était toujours bourré quand il a faim. Ma mère a toujours comparé Manu à Charles. Voilà, si je peux deux. Ah, physiquement, oui. J'ai une question, puis, qui est Manu dans son comportement. Le copain alcoolique de maman. Voilà. D'accord. Toujours des conneries. Manu était toujours bourré quand il était là, ça marche aussi avec Charles, en tant que con. Non, mais c'est ça. Puis en plus, physiquement, t'es blond comme ça, Manu était blondinet et tout. Est-ce que Manu a un petit zizi? Ça, je sais pas, j'ai jamais vu. Ah. Je suis désolée, il fait pas partie de ceux que j'ai vus. Et Dieu sait qu'elle en a. Et donc, les mecs. Les mecs, bon bref, on retourne, je pense, de 4h du matin, et Pascal, il faisait partie des gens qui avaient un peu plus de facilité, on va dire, financièrement, etc. Et son grand-père... C'est un bourgeois, faut le dire. Non. Mais plus de facilité, on va dire. Et donc... son grand-père lui prête sa DS à l'époque, je le dis, tu vois. Bon, bref. Donc, il arrive à Fort, tu vois, un peu. En plus, c'était un joli mec et tout. Donc, il arrive à Fort sa DS et tout. Bref, il faisait le kéké. Et quand ils sont repartis, ils étaient un peu émus, tous, autant qu'ils étaient. Très émus. Et donc, à l'époque, ben, les balles, tu sais, ils se faisaient les baloches, ils montaient les trucs dans les champs, quoi. Voilà, c'était comme ça, il n'y avait pas de... C'était comme des rêves maintenant, quoi. Oui, c'était la rêve partie de Fort, mais très mignonne, finalement. Mais oui, mais c'était ça, mais bon, il n'y avait pas 400 personnes, enfin bon, ouais, c'était comme ça. Et ils veulent pour retourner à Fort, de Fort à Fort, tu vois, voilà. Et donc, Pascal, puis tu sais, les DS, c'était les vitesses au volant, ouais. Et flouf, il rentre dans le bal. Dans le bal? Ah ben dans le bal. Il a écroulé la petite cloison. What, tu sais? Il a pété le mur. Et il est rentré dans la salle du bal. Oui, alors heureusement, il n'y a pas eu de blessé et tout, parce que parce qu'il allait pas vite, mais ça a été... Fabien. Entre autres, tu vois, c'était comme ça. Manu, mon pote Manu, tu vois, donc ses parents travaillaient sur Paris, son père était SNCF et sa mère était radiologue à Villejuif. Et ils avaient une longère, là, qui était un truc d'héritage. Sur Fort, et tu sais, il arrangeait au fur et à mesure de leur voilà, de leurs moyens, quoi. Bon, bref. Et donc, il faisait, tu sais, c'est une longère, donc tu vois, pièce par pièce, etc. Et puis, ils avaient monté un mur de briques, comme ça, en attendant d'avoir des sous pour faire le reste. Et donc, Manu, ben, lui, il nous emmenait jamais parce que c'était tout le temps. Il y a des gros soucis. Voilà. Et donc, on le ramène un soir. Oh, Manu, tu fais pas le con et tout. Non. On le ramène, la voiture était dans la cour. Faut que je rentre ma voiture. Manu, qu'on lui dit, ne rentre pas ta voiture, c'est bon, tu rentres te coucher, etc. Donc, nous, on s'en va, tu vois, content d'avoir laissé Manu. Et notre Manu, quand même, tu vois, comme ça et tout. Mais prends sa 4L, il y avait une 4L à l'époque. et puis rentre dans le petit truc. Toi, t'avais la cuisine, le salon, la salle à manger, et puis rentre dans le petit truc qui était pour garer les voitures, mais il n'était pas capable de le faire, quoi. Donc il a rentré la voiture, et il a coincé la cloison. Il a cassé un mur. Voilà. Finalement, il s'est garé dans le donc, salon. Donc nous, ça, voilà, c'est ça, mais complètement mal. Donc nous, ça... Ben, on savait pas, on était reparti chez nous, enfin bon, bref, patin coup fin, donc le lendemain, on vient le chercher et tout, et là, sa mère, Paul, rigolez pas, Paul. Ouais, qu'elle dit comme ça et tout, oui, ben lui, rentrer dans la cloison, ça, on a bien vu, dégringolé. Et ben, on sait pas trop quoi dire. Oui, il était encore ivre, oui, c'est vrai, voilà, quoi. Donc, on était tous comme ça, tu vois, pas trop fiers quand même, hein, voilà. Et encore, moi, je disais trop rien parce que moi, je travaillais. Tu vois, par rapport à certains, on était deux ou trois ou quatre, cinq, six qu'on travaillait. Donc, on n'avait pas à donner, nous. Mais bon, parce que la mère à Manu, elle rigolait pas. Hein. Et heureusement, son verre qui manquait pas du bourg, elle lui dit... Parce qu'on ne sait pas que lui dire, parce qu'elle n'était pas fine. Hein. Et son verre qui manquait pas d'humour lui dit... Mais Paul... Il était en plein phare ou en code? Et tout était défoncé, tu vois. Voilà, puis c'est passé un peu comme ça, mais Manu, il était extraordinaire. Ses parents, alors lui, du coup, tu vois, ses parents avaient beaucoup de moyens, lui avait acheté une Autobianchi à Barthes, tu vois, à l'époque, j'avais 20 ans. Hein, il était Barthes, sur Paris, ouais, tu vois. Bah, à Barthes. Bah, c'est comme ta Fiat 500, non? Oui, Mini, Fiat. Autobianchi, c'est... Mini oui, c'est Fiat, italien, ou... mais c'est, non, c'était pas, pareil, c'est pas tout pareil. Et donc, il a acheté une super Autobianchi à Barthes et tout. Donc, Manu galvaudait dans les rues de Paris, sur le périph', etc. Parce qu'il habitait Paris. Et il se fait choper au moment que c'était E.T., l'extraterrestre. Vous vous rappelez, l'extraterrestre, enfin, vous vous rappelez pas. Ah, parce que oui, je me rappelle de cette voilà. anecdote. Et donc, Manu se fait choper sur le périph'. Et vous passez pas par tout ça. Hein. Non, t'inquiète. Et donc, Manu se fait choper sur le périph'. Et à l'époque, c'était... Je sais pas, moi j'avais peut-être 22 ans. C'est qu'on commençait à voir si on n'avait pas le droit de rouler avec de l'alcool. Parce qu'au départ, on avait le droit. À l'époque. Mais il y avait pas de tarif. Il y avait peut-être dans une voiture. Il y avait pas de réglementation. Il y avait pas de loi. C'est la liberté. Non, mais pas responsable de la vieille. Non, mais pas. Je te parle de ça, Barry, il y a plus de 40 ans. Hein. C'était comme ça. Et mais vous pouviez faire ce que vous voulez, les gens. Ce qu'on voulait, non, pas vraiment, mais. Mais si il y avait un accident qui était dû à l'alcool, on nous emmerdait pas. Il n'y avait pas de... problème par rapport à ça. Mais après, c'est venu très rapidement après, quand même, tu vois. Ils ont vu que ça marchait pas. Bah, voilà. Et après, ça a été réglementation petit à petit. C'est-à-dire que... On avait le droit à un gramme, au départ. Non, plus d'un gramme. C'était pas un gramme 5. C'était un gramme 5. T'avais un gramme 5, après c'est passé à un gramme. Un gramme. Mais ça, personne ne savait, en fait. Comme elle dit, c'est que pendant un temps, en fait, la réglementation était là, mais il n'y avait aucun moyen de mesure, en fait. Mais pas oui, de loi, déjà. C'est qu'en fait, alors pendant un temps, il n'y avait pas de loi, puis après, il y avait des lois, mais c'est, enfin, les comment voitures. Tu veux mesurer ? Voilà, les voitures avec équipées de systèmes de mesure étaient, enfin, il y en avait pas. Les voitures ne roulaient pas vite, non plus. Oui, alors. Attends, les voitures, c'était du carton. Attends, mais on avait les deux chevaux. Moi, j'avais deux chevaux, quatre ailes. Enfin, t'en avais rien, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, c'était pas. Moi je me rappelle à deux chevaux que si je voulais à 80 fallait que ça soit une descente à Cherf, tu vois, avec le vent derrière, enfin c'était tout un machin, quoi. Puis les deux chevaux, j'ai pris 180 avec une 4 L, mais oh bah ma Renault 5 ne montait pas à 180, ma Renault 5 de 83, le max que j'ai fait avec elle c'était 114. Et avec le GPS, parce que l'aiguille elle dit... Et donc voilà, c'était comme ça. Et puis donc Manu se fait choper sur le périph à Paris, bon bref. Donc on se retrouvait tous les vendredis soirs, tu sais, au train, à Austerlitz. Vous avez eu peur de rien, vous avez emmené Manu à Paris. Ah mais non, mais non, mais Manu, il vivait à Paris. Ah il vivait à Paris. Ah, il revenait juste pour les balles. Ouais, voilà, c'est ça, pour les baloches. Les baloches, et les donc, Manu se fait choper son périph' à Paris. Voilà, donc on se retrouvait le vendredi soir à la gare d'Austerlitz, parce qu'à l'époque, c'était à Austerlitz. Et Pascal et Manu arrivent, c'est deux. Et Jean-Manu, oh, dit Pascal, On était 402, c'est Manu qui arrivait le premier. Tu vois un peu le truc et tout, enfin bon. Voilà quoi, il est bon, il n'y a pas eu de retrait de permis parce qu'à l'époque ça se faisait pas, il n'y a pas de loi là-dessus quoi. Donc après, bon, après il. Femme aurait dû naître à cette époque. Mais... non, non, non, parce qu'ils ont eu la chance de tous autant qu'ils sont de n'avoir tué personne. Parce que moi je me rappelle Sarah, quand on avait un copain qui s'appelait Sarah aussi, toi qui as mon âge, qui s'endormait sur sa moto. La moto deux fois, oui. Après, les lois, les réglementations et la responsabilité, c'est des choses après, différentes. Après, ce sont des gens... Bon, il y en a qui ne sont plus là au jour d'aujourd'hui, mais ce sont des gens qui n'ont c'est jamais qui s'est tué, endormi sur sa qui moto, n'ont jamais tué personne. Mais il s'est endormi sur sa moto. Je me rappelle, Sarah, quand il s'est endormi sur sa moto, deux, trois fois, ça lui est arrivé. Et une fois, c'était, heureusement, c'était l'ouverture de la chasse. Et... Maman, il faut faire court dans les anecdotes. Et c'est les... ce sont les chasseurs qui l'ont trouvé. Tu vois, non, mais je veux dire, c'est... Oui, mais Domi, c'est des histoires enfantines. J'ai un truc à proposer, Domi. Ouais. Est-ce que tu veux que la prochaine fois, on t'invite et tu t'assoies à la chaise, comme à la table, oh, comme ça, on et peut... comme ça, tu peux raconter toutes les... Allez, c'est bon. Mais je veux que tu sois avec ta toche. Ok, ça marche. Parce que ta toche avait avec ma sœur. Oui, parce qu'elle a plus de souvenirs que moi. C'est elle qui se souvient mieux. C'est le témoin. Attends, tu ne buvais pas dans l'équipe. Finis l'histoire avec Manu, parce que la fin de l'histoire est drôle. Sur le périph', quand il se fait arrêter par les flics. Oui, alors il se fait arrêter par les flics et tout. Puis je dis, mais Manu... Alors, il y avait une Tobianchi à Barthes, bleu marine, tu vois. Oui. Bon. Donc, on se remet à l'époque. C'était à l'époque de E.T. Hein, on est bien d'accord. Oui. Donc, Manu était blondiné, comme Charles, tu vois. Et toujours très rouge, parce que, bon... Est-ce que c'est Charles? Mais tu sais, mais ça me fait penser à ça, Thomas, parce que... Manu, il picolait un max, et il a une cirrhose du foie quand même, il avait 20 ans. Charles, finalement. Il a tout essayé, la drogue, etc. Il travaillait TF1, hein. C'était un super... Enfin bon, bref, ça peu importe. Ça match. Et donc, on est en train et tout, je lui dis, mais Manu... oui, c'était ça, ouais, ouais. Bleu marine, elle était. C'est super simple. Ah ben attends, c'était... Mais ses parents avaient une bonne situation. C'était la concurrente de la Mini. Mais les autres turbulents qui abattent à l'époque faisaient des... Ah oui, c'était des la concurrente officielle de la Mini en rail raid. Mais c'est vraiment une Renault. Pour les connaisseurs. Et donc Manu se fait choper sur ce périph' et tout, puis nous on était dans le train, puis on mettait 6h30 hein, pour faire Paris-Niort à l'époque, hein, c'était comme ça. Putain, je lui dis, mais Manu, mais comment tu t'es fait choper, quoi? À un moment donné, il se rappelait jamais où il mettait sa voiture, ni où il habitait, on n'a pas compris, il se fait choper sur le périph', toi. Et là, c'est Pascal qui dit, qui a toujours plein d'humour, il dit... ah ben, c'est des voitures de collègues, hein, maintenant. Hein. 23 000 euros. Et Pascal dit ouais, mais tu crois, tu penses, tu crois, les flics ils voient une auto Bianchi à Barthes, c'était tout rouge, c'était illuminé et tout, ils ont cru que c'était E.T., alors ils l'ont arrêté. Bon, ça on déconne, mais bon. C'est la même voiture. Non, mais Manu il s'est pris des cuites phénoménales, hein, mais bon, comme il conduisait jamais, il a, heureusement, le pauvre, mais bon. C'était comme ça. C'était la vie, hein. Merci, mais maman, merci en tout cas. Domi. C'était notre vie de jeunesse. Merci beaucoup, Domi. Ça nous a fait très plaisir d'avoir toutes tes anecdotes. Et donc, on retient l'acceptation d'invitation, la oui. prochaine ou peut-être celle d'après, ouais. En fonction de... Ma soeur, on a plus de souvenirs. Tu sais quand elle rentre, ta soeur, quand elle sera là la prochaine fois? Mars. Eh bien, en mars. Eh ben, parfait. On fait une croix dans le calendrier. Les auditeurs font une croix dans leur calendrier. Oui. Je vais les fréquenter moins. Donc voilà. Tu veux dire que t'as abandonné tes amis comme Loïc? Non. Comme François? Voilà, parce que personne n'a fait comme Loïc. Comme François? Non, mais après, tu sais. Comme on, Charles. Tu sais, on avait chacun notre vie, et puis c'était compliqué, on n'avait pas les réseaux sociaux, etc. Enfin bon, bref. Donc tu veux dire que tu as abandonné tes amis comme Charles? Non. Comme... Oui. Ah oui, comme Charles, oui, d'accord, ok. Excuse-moi, moi j'ai pas de copain qui s'appelait Charles. Merci beaucoup. Merci, maman. Est-ce qu'à la base, tu voulais savoir quelque chose? On s'est un peu pas abandonné, parce qu'on se demandait toujours des nouvelles, mais un peu, ben, chacun était, voilà, faisait sa vie, c'est pas toujours évident. Oui, bien sûr. Puis nous, à l'époque, on avait juste le téléphone, et plus tu téléphonais loin, plus tu payais. Alors tu mettais, tu vois, 1 euro, 2 euros, 3 euros, et encore... Francs, c'était francs, mais c'est pareil, les euros, maintenant. Tout de même. Quand j'avais un copain qui m'avait percé une pièce de 1 franc, tu sais, au milieu, là. Attends, vas-y, ça va être diffusé à tout le monde. Ah ouais, c'était technique, elle est folle. Tu faisais la ficelle. Oui, il me faisait ça, et puis on téléphonait comme ça. Parce que moi, je téléphonais chez papé et mamie, il n'y avait pas le téléphone, c'était chez mes grands-parents, là. Et putain, mais ça coûtait une blindasse, quoi, tu vois. Et puis maman s'inquiétait, hein, je téléphonais qu'une fois par semaine. Alors, il m'avait fait un trou comme ça, avec une ficelle, là, de chez Citroën. Il travaillait chez Citroën, lui. Puis... tu voyais le truc, clac, clac, clac, clac, clac, boum, tac, tu retirais, après. Charles encore, son copain Charles. Moi, j'aurais adoré pouvoir faire... Excusez-moi, c'est moi qui ai fait de la... J'aurais adoré pouvoir faire ça. Moi, je pense que je serais né à votre époque, j'aurais été un truand. Mais oui, un truand. Tu aurais été un truand. Un brigand, que dis-je. Mes amis, je lance une petite musique pour qu'on fasse une petite pause et puis on se retrouve après. She's a long way from suburban town. Came to the city for the love, got a hurting now. Oh my, she's a long way from suburban town. Long way, really long way from suburbia. Small town love, fall down love. Not medicated, drink too much, think too much. Thoughts drowning me, I'm too high. Please don't cry, stop downing me. You don't know love, you just show love. Stop doubting me. Self-love, he don't love himself. Tryna love me, cuff me. Told the truth to him, he don't trust me. Self-love, he don't love himself. Tryna love me, cuff me. Told the truth to him, he don't trust me. Oh my, she's a long way from suburban towns. Came to the city for the love, got a hurting now. Oh my, she's a long way from suburban towns. Long way, really long way from suburbia. Big dreams, yeah, big screens, yeah. She's impressionable, deep sea, yeah. Money scheme, yeah. Vibe unquestionable, my friends drive. New Beamer, drop top convertible. Love hanging out, say you hating out. Feeling introvertical. Self-love, he don't love himself. Tryna love me, cuff me. Told the truth to him, he don't trust me. Self-love, he don't love himself. Tryna love me, cuff me. Told the truth to him, he don't trust me. Oh my, she's a long way from suburban towns. Came to the city for the love, got a hurting now. Oh my, she's a long way from suburban towns. Long way, really long way from suburbia. La garçonnière de Point, l'émission politique. De nos gènes. Aujourd'hui, on refait le monde. Macron pour ou contre ? Alors, si je puis me permettre, écoute, je suis très content que tu me lances là-dessus. Emma, est-ce que tu peux me serrer la main, s'il te plaît ? Bien sûr. Merci, je me mets juste un petit peu de réverb. Macron, démission. Darmanin, démission. Marlène Schiappa, elle a démissionné. Mais Oudéa Castéra, démission. Gabriel Attal, démission. Rachida Dati, démission. Oh, une nouvelle. Oh, Rachida Dati, démission. Aurore Berger, démission. Pénible. Pénible. Cet homme est pénible. Je suis content qu'on se retrouve après cette baisse en fugal volume STP. Et ton potard, c'est lequel ? C'est le numéro 1. Au pire, tu numéro 2, pardon. Je te baisse un petit peu. Ça vous va là ? C'est bon ? Ça fait mal aux oreilles ? Je crois que Victoire et moi, on a perdu... Je suis désolé, je vous ai parlé un petit peu fort dans les oreilles. Je suis désolé. Alors... Là, on peut plus parler, c'est nos deux oreilles compris. On s'entend plus avec Victoire. Hein. Je suis désolé, j'ai fait un peu de bruit. C'est la passion qui reprend le pouvoir quand je dois insulter le gouvernement. Donc, merci beaucoup d'être encore là. Il est tard, je suis désolé. Je sais qu'il est tard. On a débordé. Pourquoi on a débordé ? Parce que j'ai fait l'erreur. D'inviter Domi. Je prends ma responsabilité de demander à Domi de parler sans lui dire de finir vite. Elle a évidemment pris 45 minutes c'est pour ça qu'on l'aime, cela dit. Mais ce que j'aime pour vous, auditeurs, ceux qui ont l'habitude de faire soirée ici, vous savez comment ça marche et vous la connaissez, donc vous ne vous attendiez à rien de moins que ça de la part de Domi. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est intéressant parce que vous avez pu vivre l'expérience. D'accord, la façon de qu'elle a de venir et de plus partir. Exactement. Eripis. Voilà. Oh, je fais un petit mélange de RIP et RPZ. D'accord. À toutes les femmes seules. Voilà. De plus de 60 ans. Non. Dans les villages isolés. Ah, pas mal. Sans plus personne autour. Pardon, j'ai pas dit cœur, hein, écoute, Thomas, je suis désolé, je t'ai lancé sur une petite anecdote, en mode ça va durer 2 minutes, ça a duré une heure et demie, je suis désolé, mais dis-moi, Thomas, t'avais l'air d'avoir une anecdote un poil plus longue à nous raconter, t'en avais plusieurs, j'en ai une qui était sur moi, une pas sur moi, je te propose de continuer sur celle qui est pas sur moi. Eh ben, avec toi, je vais faire l'anecdote sur toi. Allez. qui malheureusement... Et attends, moi je m'en souviens très bien... Et je me souviens m'être senti très très con et avoir voulu pas perdre la face, donc j'ai hâte que tu m'expliques ton point de vue. Ne commence pas par te justifier par une anecdote. Mais non, mais zéro justification. Déjà, ça commence à être tendu là ce soir. Non, je me justifie pas. Ce que je dis, c'est j'ai très hâte d'entendre son point de vue parce qu'il y a un moment où je me suis rendu compte que j'étais en train d'être un gros débile, mais j'ai pas voulu le dire. Donc j'ai envie d'estimer à quel moment à peu près j'ai eu ce feeling. Bon, bah, déjà, cette anecdote, elle met en scène deux protagonistes qui sont deux copains à moi, Barry et Théo. Et on va la remettre dans un contexte. Déjà, le contexte, c'est que je fais soirée chez moi, donc la villa d'Utreuil, qui est très très bien gardée par ses propriétaires, malheureusement. C'est-à-dire, c'était l'époque où si mon père retrouvait une capsule de bière dans les graviers, et Dieu sait qu'on a des kilomètres de gravier, c'était l'enfer sur Terre. C'est-à-dire, Thomas passait un sale quart d'heure. Et dans cette très bonne atmosphère, mes parents sont pas là, je décide de faire soirée. Je fais soirée chez moi et j'invite beaucoup trop de monde. C'est vrai. Soyons honnêtes. Et on est en 2016, je pense. Hein. Ouais, on est vraiment... on est en sortie de lycée. C'est première année de fac, mais sur la deuxième moitié de l'année. Ouais, tout le monde se connaît, mais en même temps, personne s'aime. C'est formidable. Mais tu sais, moi, je te connaissais pas à cette époque-là. Mais non, mais moi non plus. Attends. Cache pas trop ma soirée. Et mon anecdote, excuse-moi. Et du coup, je décide de faire soirée. Et tout se passe bien. Bon, un peu stressé parce que je suis chez moi et je sais que s'il y a une capsule de bière par terre, le lendemain va être compliqué. Mais je fais ma soirée, tout se passe très bien. Et là, middle de soirée, les gens se disent « Tiens, Thomas, il a une très grande piscine, si on allait à la piscine ?» Et du coup, tout ce groupe de monde qui était devant chez moi décide d'aller à la piscine. Et là, je sais pas, enfin, moi je faisais ma soirée, mais en même temps, tous ceux qui font des soirées chez eux le savent, on compte un peu les brebis, quoi. Voilà, et là... Je dis oui, genre, Emma, pas du tout son cas. Emma, on arrive en soirée chez elle, elle est pas là, on va se coucher, elle est déjà en train de dormir. Et entre-temps, elle fait un feu dans son jardin. Donc, aucun rapport. Aucun rapport. Avant de prendre une douche à poil. Devant tous les invités. Oh là, oui, bon, bref. Et là, je compte mes brebis, et manque une brebis. Il manque un Théo Favreau, un copain à nous, et qui était venu là, mais à l'époque, il connaissait pas trop le groupe de potes. Enfin, il connaissait de loin, et en fait, tout le monde part à la piscine, et on s'en branle un peu de Théo Favreau, hein, soyons honnêtes. Il est là sans être là. Et moi, c'était un copain que j'avais invité, qui habitait pas loin et tout. Et je me dis, putain, il est pas là. Mais il devait pas être tard, il devait être minuit des brouettes. Je me dis, il est pas là. Et vu qu'il y avait du monde, il y a un mec qui commence à me dire, ouais, vas-y, il est rentré chez lui. Parce qu'il habitait à 5 minutes à pied. Ah, putain. Et moi, je me dis, non, Théo, il n'est pas rentré chez lui parce qu'il m'aurait dit au revoir. Et là, je cherche. Et bon, pendant qu'il y a des zouaves, des primates qui sont en train de jouer dans la piscine à moitié alcoolisés, moi, je me dis, il manque un collègue, où est-ce qu'il est ? Et je commence à me rassurer en disant, vas-y, il a dû rentrer chez lui. Et quand je rentre dans ma maison, là, je vois son sac et toutes ses affaires. Et je fais, bon, d'accord, on fait des soirées alcoolisées. Mais de là à oublier son sac avec ses clés de maison pour rentrer chez soi, surtout à, ça fait beaucoup. Ouais, surtout à minuit, ça fait beaucoup. Et je le cherche et tout le monde en a rien à foutre. Vraiment, c'est Thomas, moi je veux jouer dans la piscine, où sont les frites ? Et moi j'étais plus là, où est Théo ? Et je cherche Théo, je le trouve pas. Et là je commence à trouver deux copains un peu, on va dire, un peu moins éméchés que les autres, et on commence à chercher Théo. On cherche Théo dans toute la partie où on avait fait soirée. C'était qui ces deux copains ? Je ne saurais même pas te dire qui m'a aidé. C'est moi. Et là, impossible de trouver Théo Favreau. Et, Et là, je me dis, mais attends, on va aller voir dans les endroits où on n'est pas allé en soirée chez moi. Et là, je regarde mon derrière de maison et je n'ai pas de lumière, que dalle. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y a un trou dans la musique ou je ne sais pas. Et j'entends, au secours. Là, je fais, ok, il y a quelque chose. Et là, mon père, c'était l'époque où il faisait des grands potagers avec des pieds de tomates et plein de trucs. Et je sais pas qu'est-ce qu'il est allé foutre là-bas, le Garen. Il aurait pu vomir dans la maison, à la piscine ou pas. Il a voulu aller vomir dans les pieds de tomates de mon père. Super. Mais engrais, si, il voulait faire de l'engrais. Top, ouais. Ben oui. Et c'était pas un vomi technique, les beaux vomis techniques qu'on connaît. Non, là, le mec était vraiment en PLS, dans la terre, en train de vomir et crier au secours. C'était pas une brebis, c'était une chèvre. Et heureusement que j'ai, en vrai, heureusement que je l'ai trouvé à ce moment-là, parce que tout le monde en avait rien à foutre de Théo à ce moment-là. Il était. Théo, on en a plus rien à foutre de toi. Si vraiment un jour tu peux venir dans cette émission, c'est avec grand plaisir. On a beaucoup à foutre de toi dans cette émission d'ailleurs. Et donc ça, c'est la première partie de la soirée. Ça s'arrête là, je crois. Merci pour ton anecdote. Je suis trop content. Non, Barry. Victoire. Ça, c'est la première partie de la soirée. Et du coup, je rentre Théo, on le décrotte, on le met dans ses affaires. Et puis on le fout dans un lit. Bon. Après, bon, la soirée se passe. Les gens vont se coucher, les gens rentrent. J'en ai rien à foutre. Tout se passe très bien. Et là, il commence à avoir le crépuscule se lever. Et je suis avec Auguste, Barry. Moi et peut-être Charles ou je ne sais plus qui était là. Il n'y avait pas encore Vincent ou Mathis. Ah, je sais pas. Non, je sais non, pas. Non. Et du coup, là, tout le monde se dit, bah vas-y, il crépuscule, on va aller se coucher. Auguste qui me dit, vas-y, je vais me coucher et tout. Et là, bah, il fait, dans un grand élan, il fait, bah écoutez les gars, moi je me casse en voiture. Allez, bonne soirée. Je me souviens très très très très très bien. Et moi... bon, un peu triste qu'il rentre en voiture bourré, ouais, mais cool. En même temps, envie d'aller me coucher. Et là, il y a Auguste qui me fait gros, il a pas de voiture, c'est moi qui l'ai emmené. Et c'est con, hein, mais cette simple phrase est déclencheur de beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et là, je fais bon, bah, il va bien s'en rendre compte. Donc, je le laisse partir à l'allée. Mais bon, donc, j'ai une très grande allée où les gens marchent. Et Barry, il marche jusqu'à au bout de l'allée. Il se rend bien compte qu'il n'a pas sa voiture vu que c'est Auguste qui l'a emmené. C'est pas ça qui s'est passé. Si, Barry, c'est totalement. C'est pas ça qui s'est passé. Je vous jure que non. Vas-y. Et il revient et il dit : les frères, on m'a volé ma voiture. Ça, c'est ce que j'ai dit. L'audace. Nuit et culotté. Je vous expliquerai Barry. Juste. Attends, écoute ce que je dis. Je vais vous expliquer après ce qui s'est passé dans ma tête et vous allez encore plus vous foutre de ma gueule. Et commencez pas. Et je vous jure, ça est encore plus drôle en sachant ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Et du coup, me v'là à 6h du matin, complètement éméché, à expliquer à Barry que c'est normal qu'on t'ait pas volé ta voiture vu que t'es pas venu avec. Oh, j'aurais payé tellement cher pour voir cette conversation. Et du coup, là, le problème, c'est que moi, à l'époque, je faisais le poids d'une plume à peu près, et Barry, il avait le gabarit qu'il a actuellement. C'est-à-dire, c'est une penderie, le type. Armoire Art Déco, version... Très oui. Bien, merci Victoire. Et du coup, je lui dis « Non, Barry !» Il me fait « Si, mec, on m'a volé ma voiture, j'appelle Auguste. » Qui, Auguste, était peut-être petit, mais nerveux. Mais Auguste, en plus, on se comprend bien. Je sais pas, il y a un truc qui passe entre nous. Et là, on comprend qu'il comprend que Barry fait n'importe quoi et qu'il est persuadé que sa voiture. Et je sais pas par quel micmac. Et on s'embrouille pendant, je sais pas, une demi-heure avec Barry en essayant de lui persuader que non, on lui a pas volé sa voiture. Pour qu'au final, Auguste lui persuade que Barry, dans tous les cas, la gendarmerie, elle est pas ouverte maintenant. Donc t'iras porter plainte demain. Le pire. Et tout ça, donc bon, tout se passe très bien. On discute de ça avec Barry et Auguste autour de la table. Et autour de cette table, il y avait effectivement des verres d'alcool, quelques restes. Et il y avait aussi notamment un pot de sirop à la fraise. Mais Théo, là. Dans tout ça, il est où? Théo, il fait dodo. Théo, il fait dodo. Et après des heures et des heures de « Ouais, Barry, viens, on portera plainte demain, mais vas-y, couche-toi, bâtard. S'il te plaît, couche-toi, on a envie de dormir. » Et Barry, il dit non, puis après, il redit non, puis après, Auguste fait « Tu vas être couché. » Barry dit « Ok, je vais aller me coucher. » Et Barry se couche sur mon canapé de salon. Or, la bouteille de sirop qu'on avait vue un petit peu avant, Barry s'était dit « Vas-y, je la jouera. » Je crois que c'était de la tise. Et Barry, je croyais que c'était ma bouteille de rhum qu'on avait fini 3 heures avant. Barry a mis cette bouteille de sirop dans une espèce de sacoche qu'il avait sur lui. Oui. Et Barry ne voulait pas dormir sans sa putain de sacoche. Histoire qu'on ne la vole pas. On ne sait jamais. Je vais vous expliquer après, vous allez voir. Et du coup, la bouteille de sirop, Barry ne l'avait pas fermée. Non. Et donc Barry a dormi là, et le lendemain matin il s'est réveillé, il y avait du sirop partout, partout sur le canapé. Le mec était sucré. Le mec était sucré. Pour qu'au final, le lendemain matin, c'est Auguste qui le ramène chez lui. C'est pas Auguste qui m'a ramené. Ah, je sais. C'est pas comme ça que c'est terminé la soirée. C'est comme ça que c'est terminé la soirée. C'est ton père qui t'a ramené. Et c'est là où je vous dis qu'il y a tout un pan de l'histoire que vous avez jamais voulu écouter parce que vous pensez toujours que j'essaie de m'expliquer, qui est vraiment encore plus marrant. C'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je suis ivre caisse et je me dis, il faut que je rentre chez moi. Et genre, je me sens mal. Je me sens mal, mais je suis en mode, il faut que je rentre, tu vois. Et sauf que je sais que j'ai pas de voiture. Et mon père me dit toujours, si t'as besoin, tu m'appelles, je viens. Il me dit, tu sais quoi, je me casse, je leur dis que j'ai ma caisse. Et comme ça, ils me foutent la paix. Vu que je sais pas trop combien de temps mon père va prendre à venir, je l'appelle sur la route, tu vois. J'y vais, je l'appelle. Tu surestimes les copains. Non, je surestime mon père, c'est bien différent. Ah, mais ton père, Barry, il est venu à 8h et des bruits. Non, mais il est venu, c'est ses jours. Oui, mais c'est... En fait, dis-toi. Donc même si tu l'as appelé à 4h, jamais de la vie, il a mis 8h pour venir. Ah, mais non, mais si, gros, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, j'ai appelé mon père à 4h du tam. Au moment où vous m'avez vu partir, si je suis parti en disant que j'avais ma voiture, c'est parce que j'avais appelé mon daron et il m'a dit ouais, j'arrive. Sauf que le j'arrive de mon daron, si vous connaissez le j'arrive de Barry, ce qui est déjà pas mal. Douteux, hein, mais si vous connaissez le j'arrive de mon daron, c'est il peut arriver aujourd'hui ou dans 3 jours, entre les deux. À un moment, dans 10 minutes ou dans 3 jours, c'est au milieu, tu vois. Et donc je sors, j'y vais, je vois qu'il n'y a pas mon daron, je me dis, je leur ai dit que j'ai ma voiture. Si je rentre en disant que j'ai pas ma voiture, ils vont penser que je suis trop bourré et que je suis parti en sachant que j'étais trop bourré pour conduire et du coup ils vont m'insulter. Ta logique, tu parlais de la logique d'Emma bourrée tout à l'heure, mais alors la tienne. Non, moi c'est une logique de paranoïaque, c'est complètement différent. Ouais. Et donc, en plus, on a beaucoup bu et donc au fur et à mesure, mon taux d'alcoolémie grimpe, tu vois. Et donc je rentre en me disant non, il faut pas que je leur dise que j'ai pas ma caisse, sinon ils vont croire que je suis ivre mort et que je pensais l'avoir et que je l'ai pas, tu vois. Bon. Les amis, s'il vous plaît, pas au-dessus de l'ordi. Non, s'il vous plaît. Prends le verre, voyons. Et donc, je rentre et je dis, oh, j'avais pas ma voiture. Et je me dis, de toute façon, on m'a volé ma voiture. Et je me dis, ils sont bourrés, ils vont pas s'en souvenir demain. Parce qu'ils étaient pas si bourrés que ça, tu vois. Et du coup, ils comprenaient très bien ce qui se passait. Ils savaient très bien que je mentais. Et moi, je me dis, oui, mais maintenant que j'ai dit le mensonge, je peux pas revenir en arrière, tu vois. Ouais, mais t'étais borné là-dedans. Et combien de temps ? Et je te dis, non, mais si je reviens en arrière, ils vont cramer que j'ai essayé le mytho et ils vont me prendre pour un con, tu vois. Et donc, je voulais pas du tout passer pour un con. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini par lâcher le coup et je me disais, oh, j'ai acheté une taille, et ben je la laisse pas là. Hein. Alors qu'on avait fini à vraiment 2 heures. Donc, j'ai pris le premier bouteille qui passait, je l'ai mis dans ma sacoche. Sacoche qui, et c'est pour ça que j'étais si chiant, venait de la maison de mes grands-parents. En fait, c'était le sac avec lequel ma mère allait à l'école quand elle était petite. Et que tu dormes avec ta sacoche, oui, je m'en fous, mais pas avec du sirop vert. Et moi, je pensais que c'était un bouteille de rhum qui était fermé, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je voulais absolument dormir avec. Et après, j'ai capté que j'étais un teubé parce que j'avais mis du sirop. Et c'est pour ça que. Et je me souviens m'être réveillé. Double jus du con, du coup. Ah, mais triple. Je me suis réveillé et j'ai fait un scandale parce que je disais, mais qui c'est qui a mis du sirop dans mon sac? Oui, c'est ça. Il y avait une histoire avec le sirop. Mais c'est oui, ça. Mais j'ai fait un scandale. En mode, mais qui a fait ça? Et bah, c'est toi. C'est le pire. Impossible, c'est ça que de ma daronne, j'aurais jamais fait ça. Et après, je suis parti, j'ai fait, mais c'est complètement moi. Mais je voulais pas le dire parce que je voulais pas perdre la face. Et c'était le point essentiel de ma personnalité à ce moment-là, c'était mentir peut-être, mais si c'est ce qu'il faut pour ne pas perdre la face. Oh ouais, vraiment, pas perdre la face. Et moi, je te connaissais et du coup, pas beaucoup à l'époque. Et mon daron m'appelle. Oui, c'est vrai ça. Moi, je te connaissais pas et beaucoup. Et mon daron finit par m'appeler à genre 7h30 en mode ouais, je pars. 3h30 après, je l'ai appelé. Hein. C'est un autre problème. On aura un épisode dédicacé à mon daron. Papa, attention à toi. Et donc cet homme me dit qu'il arrive, donc je me relève, je prends ma veste, je prends mon petit sac, je me casse, il arrive, il me prend, il fait « Mais t'es bourré ou quoi ?» Je fais « Non !» Mais on peut aller à la gendarmerie, s'il te plaît, on m'a volé ma voiture. Et donc j'étais, pour moi... Je suis vraiment allé à la gendarmerie. Mais non, parce que moi je savais très bien que personne n'avait volé ma voiture. Oui, mais dans l'histoire. Le pire, c'est qu'il y avait Auguste qui était là de persuader. Moi j'étais là de persuader. On t'a parlé dans le blanc des yeux pendant 50 ans. Et toi, bon, apparemment, t'avais un autre point de vue de lecture. Mais t'as jamais voulu lâcher le fin mot de l'affaire et nous dire ouais, non, les gars, vas-y, je suis trop bourré. Mais parce que j'étais persuadé que j'étais moins bourré que vous. Et que du coup vous allez oublier. Et en fait ce qui s'est passé c'est que pendant l'embrouille à ce sujet là, moi je montais et à un moment j'étais ivre mort. Mais mec, quand tu confonds une bouteille de sirop avec une bouteille voilà, de tu vois ce moment là par exemple j'étais ivre mort. Mais l'audace d'en foutre partout sur les affaires et tout. Mais c'est déjà et qu'il... alors le père Rosier. Oui, d'ailleurs, oui. Le père Rosier, il a dit quoi? Il a dit quoi? Alors, c'est plus le chiant sirop. Qu'une capsule, ben oui, quoi, effectivement. Dans la pelouse, effectivement. Dans effectivement. Alors, si on veut parler, désolé Marie-Pierre, si t'écoutes, mais de cet horrible canapé qui était orange, je me souviendrai toute ma vie. Quelle couleur la base? J'ai de orange de base. Il était orange caca. Il était pas beau ce canapé. Ah, et, déjà. Et en fait, j'ai vu parler dans le micro, j'ai parlé dans la bouteille. Orange caca, c'est un très mauvais caca que tu oui, proposes. Oui, c'était vraiment pas très beau. Et du coup, j'ai réussi à esponger une grande partie du sirop. Mais en fait, vu que c'est de la mousse, dès que vous vous asseyez dessus, vous savez, vous avez en fait un relan d'humidité qui remonte. Oui. Donc en fait, j'avais mis le canapé, il était nickel. Donc vu de l'extérieur, nickel chrome, il était nickel chrome. Et un petit mois d'utilisation pour ma mère, elle me dit putain, ce canapé, je sais pas, il est dégueulasse là. À chaque fois, je mets mes fesses dedans, j'ai le cul collant. Oui. Marie-Pierre, ça devait être moite. Je fais, je sais pas, tu sais, c'est peut-être la mousse qu'ils font, je ne sais quoi. Et on a changé le canapé, je crois, un mois après. Ah, mais oui, mec. Au final, merci Barry. Mec, t'avais renversé un sirop entier. Le sirop était tout neuf. Mais je pensais qu'il était par terre, le sirop, pas sur le canapé. Mais mec, tu dormais sur le canapé. Mais je pensais que ma sacoche était par terre devant le canapé. Non, tu avais voulu dormir avec ta sacoche de ta grand-mère et tu nous as fait un caprice. Madame. Ouais, un caprice avec Auguste. On était là, allez, déshabille-toi, mets-toi bien. T'as fait, non, je vais dormir comme ça, habillé, avec ma sacoche. Mais tu sais pourquoi, genre la veste que j'avais. Je peux plus la porter de plus ce jour-là parce que le sirop a fait tellement de dégâts dessus que elle était en genre en daim, tu vois, et maintenant elle est genre elle est déchirée. Oui, c'est du caramel. Ah oui, ta veste en daim. Ma veste marron. Elle était belle, elle était grave belle. Ouais, je la mettais avec mes pumettes. Et du coup, c'était un de mes premiers contacts avec Barry. Voilà. Et c'est vrai qu'on se connaissait quasiment pas. Non, on se connaissait quasiment pas. T'étais un copain d'un copain, pour vous dire, j'avais vraiment invité n'importe qui à la maison. Ouais, n'importe qui. Et du coup, bah non, mon premier contact avec Barry, c'était ça. Toi, Emma, quelle est la pire dinguerie qu'un des potes ait fait chez toi, genre en mode... Donc, Barry a souillé le canapé de Thomas... Théo a mis de l'engrais dans ses plants de tomates. Toi, c'est quoi les pires dingueries qu'un pote ait fait? Alors, si vous voulez des coulis de tomates, demandez à Dani. C'est une bonne question, ça, Victoire. Bah ouais, de fou, mais au final, je pense que... Alors, déjà, comme je l'ai dit au début d'émission, j'ai besoin de mes potes pour raconter mes histoires, parce qu'il y a plein de trucs que je m'en souviens pas. Mais d'une, en fait, moi, j'ai toujours eu plutôt des bonnes anecdotes drôles, donc ça n'a jamais été hyper catastrophe. Et de deux, en fait, j'ai tellement une mère qui s'en bat les couilles que déjà de base, en fait, l'échelle, il est pas normé. Ouais. Il est pas normé l'échelle, en fait. S'il y a une capsule de bière à la garçonnière qui traîne dans les graviers, elle va dire oh bah c'est tout. C'est pas Clément Chevalier qui est passé à travers la vitre. Alors si, il y en a un qui est passé. Non, c'est qu'en fait, c'est Oscar qui a cassé la vitre. On arrête de dire les noms de famille. Si on peut, hein, mais moi ça m'arrange si on le dit pas, j'avoue. Pour les droits de Oscar qui a cassé la vitre. Et en fait Oscar a cassé la vitre, mais la photo qu'on a, c'est Clément qui a sa tête à travers la vitre. Donc c'est Clément, exactement, Thomas. Oui. Mais en soi, franchement, par rapport à une botte de paille qui a été placée en plein milieu de ma cour chez moi, qui est hyper dangereux, machin, qui a été cherchée je ne sais qui, je ne sais où. Franchement, je pense, si tu demandes à ma mère quelle est la pire anecdote et la pire connerie de soirée, et qu'elle s'en remettra jamais, c'était une des premières garçonnières. Je pense que tout le monde a entendu cette anecdote au moins 10 fois. Tom Brouette qui va chercher la brouette des voisins et qui la met en plein milieu de Carrefour de Limouilla. C'est ça la pire. Mais je pense que tu demandes à ma mère, je pense que c'est ça qu'elle te répond. Pas la botte de foin. Non. Pas la vitre cassée. Parce que elle a vu la brouette qui était en plein milieu du Carrefour et c'est dangereux. De la fenêtre de ta chambre. Je suis même pas sûre. C'est dangereux. Et encore, si elle dit ça. je pense qu'elle dit j'espère qu'il y avait de bons mollets. Voilà, tu vois, genre un truc comme ça, tu vois, genre... Pas quoi ? Oui, Valentin qui était poussé du haut de ma... Ah, t'as peut-être pas là, toi. Ouais, t'as pas... Alors, ça... Ah mais non, t'as si, pas écouté le dernier épisode. Si, ouais, de... J'étais là, mais je m'en souviens. On en parle dans le dernier épisode non, qui est évidemment pas encore sorti. Mais il faisait genre, oh, je vais sauter. En fait, je saute pas. Oh, je vais sauter, je saute pas. Et Marion a fait, oh, bah tu as sauté, enfin. Et elle l'a poussé. Marion. Donc, en soi, sauf si vous avez une idée, mais moi, j'ai pas de... Il y a eu plein de conneries, de petites conneries. Mais de conneries chiantes... Oui, la limite n'est pas la même s'il y a du sirop dans le... Mais c'est qu'il n'y a pas de limite, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai eu des confettis pendant mon salon et dans le canapé pendant, je sais pas, 2-3 mois. Même plus. Mais voilà. Et c'est chiant. Les confettis, c'est chiant. C'est bien les SM. Non, je le dis, les confettis, c'est chiant. Ok. Et est-ce que toi, Emma, tu aurais une petite anecdote à nous raconter sur... tes soirées, par exemple. Parce que récemment, t'as un truc qui s'est arrivé et tu te dis waouh, mais c'est trop bien, faut que j'en parle dans, dans la garçonnière. Non, je vais être très honnête avec mes auditeurs. Je vais être très honnête avec mes auditeurs. Mais tu vois, auditeurs. Ce soir, j'ai rien travaillé, ok. J'ai laissé reposer toute la responsabilité sur mes invités. Comme et... la dernière fois d'ailleurs. Non, j'en ai vu la dernière fois. Non. Ok, je mets aucun effort dans cette émission, d'accord. Quoi, ça moi, pue. Je suis là, je crée, je laisse les choses pour que ça se produise. Je laisse Thomas en train d'essayer de fumer la CBD électronique de Victoire. Et les deux me regardent d'un air complètement défoncé. Allez, vas-y, continue. Je n'ai travaillé aucune anecdote, d'accord. Et ce soir, je n'en ai pas parce que je voulais me reposer sur les anecdotes qu'il y avait ce soir. Alors, réfléchissons désormais, nous trois, à une anecdote sur Emma, sur une des dernières soirées que Barry, l'on a fait tu en as ensemble. Une non, moi j'ai des anecdotes sur il y a un moment quand j'habitais à Bordeaux, mais sans Emma. Toi, t'en as une, Victor ? Bah, j'ai réfléchi. Moi, Barry, on va aller sur Barry. Non, on va aller sur Barry. Toi, t'as une anecdote, mais t'en as déjà raconté deux d'affilée. J'ai pas fait que ça, moi, les gars. Donc, ce qu'on va faire, il faut aller bosser avant de venir. Il y a que Thomas qui a fait ses devoirs. Je suis en train d'en chercher une sur Emma. Si Emma était mais pourquoi on en cherchait une sur moi? Parce que t'en as pas. Donc, nous, il faut qu'on parle de toi. Moi? Si. Ok. C'est mérité. Là, j'en trouve pas comme ça. Non, j'en ai pas. Moi, je suis discrète en soirée en vrai. Non, menteuse. Mais la vie doit, mais je suis discrète, on sait rien. Quand je suis parti à Atlanta, la première fois que j'ai vu un snap d'Emma qui était posté par quelqu'un d'autre que Emma, elle c'était elle qui était ivre mort, il était 15h30. Hein. Ivre morte, mais en zombie d'alcool, déguisée en Hulk en train de courir sur un terrain de foot. Ah ouais, gênance. Quand j'y repars, en fait, c'est fou de ressentir autant de gênance et autant de. Mais putain, c'est tellement drôle. De gêne, par contre. Ah, je dis gênant si je veux, c'est bon, t'es pas malade. On parle tellement comme des gens de la radio. Mais quelque chose... J'aime vraiment bien que vous ayez l'expérience totale de Victoire. Et vous trouvez pas qu'on passe un super moment? Super soirée, en fait, ici. Non, moi, si vous voulez, j'ai une anecdote qui m'est arrivée à Bordeaux. C'est le jour où j'ai fait 2 trous noirs en une soirée. C'est-à-dire? Bah, j'ai picolé, Ah, d'accord. Je me suis réveillé 3 heures après. Je pensais à autre chose sur les trous noirs. Tu parles de un truc sexuel ? Peut-être. Moi, j'ai jamais fait. Là, on a fait 2. -18. Non, moi, tout ce qui est. Je suis désolé, moi, tout ce qui est sexuel, moi, je le connais pas. D'accord. C'est faux. Je suis pas avant le mariage. C'est faux. Je vous jure que c'est vrai. Et ceux qui disent c'est faux, c'est des menteurs. Donc, oui, j'ai fait 2 trous noirs. Genre, j'ai oublié. Donc, oui, il y a une soirée à Bordeaux qui est une soirée, je pense, la plus mémorable que j'ai pu faire, mais dont je me souviens très peu. Et qu'on m'a raconté après. Et le jour où on commencera à enregistrer des épisodes à Paris avec mes collègues avec qui je faisais la fête à Bordeaux à l'époque, on pourra vous raconter dans de plus amples détails. Mais il y a une soirée. L3, dernier jour des partiels. Et vraiment, la L3, c'était dur. Genre, personne là me fréquentait parce que j'étais à Bordeaux, vous étiez tous dans des villes ailleurs, quoi. Mais la c'est L3. C'est le moment où t'as disparu de nos vies. Exactement. La L3, c'était vraiment dur. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours travaillé en même temps que les études. La L3, c'était un moment où j'avais tellement de travail que même travailler, genre, avoir un taf à côté des études, c'était donc, plus possible. Tu admets que pour tes études, tu n'as pas travaillé. Hein? Et content. Non, non, j'avais toujours un taf à côté d'études et là je pouvais plus tellement. On bossait, enfin c'était débile, genre vraiment, on travaillait vraiment énormément. Et genre le soir du dernier partiel, franchement, ça faisait une semaine qu'on était. On avait un groupe de travail avec trois autres potes, dont deux qui étaient très très potes avec moi et un dernier qui était là. On était bons potes, mais pas autant que les autres, tu vois. Et vraiment, c'était dur, genre, on servait à moitié à la fois de groupe de travail, de cellule psy, et on essayait d'empêcher les uns les autres d'abandonner ou de se suicider. Et voilà, tu vois, c'était compliqué. Et genre, on finit ce dernier partiel, et là, à Bordeaux, on est en mai, et à Bordeaux, en mai, à cette époque-là, c'était fantastique. Tout le monde fait ce qui lui plaît. Exactement. Et c'est là où il y avait le début des festivals. Mais les festivals, le mercredi après-midi, les open air, les machins et tout, tu vois. Et ce jour-là, il y avait un collectif qui s'appelle L'Orangeade. C'est de la house, disco. Enfin, c'est un collectif de DJ qui passe de la house, disco, tout ça. Qui avait réussi à réserver la place Saint-Michel entière. Se mettre dans le. Alors, pour ceux qui connaissent Bordeaux, dans le clocher de Saint-Michel, c'est un clocher qui est séparé de l'église. Avec qu'à quatre faces, parce que la base est carrée, quoi. Et dans chaque face du clocher, il y avait un DJ set différent qui envoyait le son tout droit. Donc, c'est-à-dire que les quatre DJ étaient à côté les uns des autres, mais ils envoyaient le son sur toute la place, dans une direction différente. Et donc, t'avais quatre foules autour du clocher, tout ça. Donc, moi, j'en prends un et tout. Et j'y vais, et franchement, j'étais remonté. Genre, j'avais ma petite bouteille de Sky Coca, mes deux canettes de 8-6, et j'étais en mode, ce soir, c'est match. On va dans la foule, je prends une canette de 8-6, une autre canette de 8-6, 30 minutes sont passées, je me dis, Barry, il faut se calmer, sinon tu tiendras pas la soirée. Et à cette époque-là, je m'endormais pas encore partout, tu vois. Donc je me dis juste, tu vas pas tenir la soirée, ça va être compliqué, voilà. Là, je me promène et tout, j'étais avec mes potes, je perds mes potes, je trouve un mec qui fait du djembé, je me mets à jouer du djembé avec lui, ça fait un cercle autour, je suis en... Mes potes me retrouvent comme ça. Et on boit un petit peu dans ce Sky Coca qu'il y avait dans la banane. Et mes souvenirs s'arrêtent là. Cache. Je me souviens, il est 20h31. Je me souviens plus de rien. Tu te souvenais pas déjà plus de rien avant que tu fasses du djembé? Non, djembé. Moi, je suis perdu. Je me balade, je picole. Je vois un mec qui fait du djembé, je fais du djembé avec lui. Mes potes me retrouvent. Je commence à boire du Sky. Plus de souvenirs. Moi, je trouve que t'insistes pas assez sur le fait que... Retrouver un pote qui est en train de faire du djembé en plein milieu de la rue. Je trouve ça exceptionnel. Il est où Barry? Ouais, il fait du djembé dans la rue. En fait, c'est ça qui est marrant. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on fasse cet épisode avec Marco. C'est que Marco est avec Bonham et d'autres gens. Et ils sont en mode putain, mais il est où Barry? Et donc ils me cherchent partout. Et donc ils entendent du djembé dans l'arrière. Mais ils me cherchent. Et au bout d'un moment, il y en a un qui regarde dans le cercle. Et il voit qu'au milieu, le gars qui fait du djembé, bah, c'est Wam. Et le clavier, tout le monde fait ouais, ils viennent m'attraper là et ils me sortent de ce truc là. Lâche ton djembé Barry, lâche-le. Et on devait aller à une soirée juste après, sauf que moi j'étais pas encore invité. Et du coup ils me font ouais mais t'inquiète, on va voir avec mon pote machin, on va voir avec quelqu'un qu'on appelle Ginette. Et donc Thomas, donc Bonham, pardon, dit à Ginette, ouais mais t'inquiète, Barry c'est un mec trop cool, il fait pas de problème, il est trop calme, il est trop chill, c'est vraiment trop un mec bien, il est vraiment trop cool et tout machin. Lol. Et Ginette fait, ouais franchement je sais pas, on est déjà 40 et tout, c'est une galère, l'appart il fait 30 mètres carrés gros. Et Thomas il fait, non mais je te jure vraiment, Barry c'est un mec trop cool et tout. Ginette finit par faire « Ok, bon, bah, d'accord, bah, ramène-le, mais franchement, faut pas qu'il fasse de la merde. » J'arrive, mon premier move, ça a été de choper des miel pops et les lancer sur des gens. Je sais pas pourquoi. J'étais éteint et je lançais les trucs sur les gens. Et j'ai défié... T'étais pas barré en soirée. Je parlais avec un gars et on se demandait qui était celui de nous deux qui mettait les plus grosses droites. Parce qu'on se disait « Ouais, mais moi, j'ai l'air plus solide. » Mais peut-être, les meufs, si vous voulez faire un podcast juste pour vous deux, vous dites, hein, y a pas de galère. Ah non, y a pas de souci. C'est juste Victor a dit 2-3 mots, pas si par là, et moi je rigole, parce que comment ça va être défoncé. Et. Qui t'appelle, Thomas? Bah, décroche. Bah, alors, on fait le pause dans mon anecdote, et tu décroches, je mets dans le micro, par contre. Non. Ah oui, si, ah, s'il te plaît. Ah, si, s'il te plaît, Thomas, s'il te plaît. On peut couper. Si. On problème. Coupera, si jamais. Oui, Marie-Pierre ? Partie ou t'es pas partie ? Marie-Pierre, t'as la radio, là. Une anecdote. T'as la radio, Marie-Pierre. T'as la radio. Bah oui, on fait une émission de radio avec Emma et Barry, c'est ce que je faisais ce soir. Ah, mais t'es pas partie alors? Bah pas encore, mais du coup là t'es à la radio. Bah tant pis. Juste tant pis. Bah oui, bon, je vais pas m'en faire une pâte à caisse, hein. Bisous. Bah écoute, bisous Marie-Pierre. Fallait lui demander de raconter un truc, putain. Oui, parce que Thomas appelle sa mère Marie-Pierre. C'est fou ça, hein. D'où ça sort, ah, ça c'est, ah, c'est fou, c'est fou. Il fait partie de certains de nos potes, ouais, qui appellent donc par, enfin, ses parents par leur prénom et nom. Comme le mec dans Neuilly, sa mère. Non, c'est qu'à l'hôpital, tout le monde appelle ma mère Marie-Pierre, étant donné que c'est Marie-Pierre. Ah, mais c'est vrai que tu bosses dans le même hôpital que ta mère, du coup. Non, mais c'est quoi que... Quoi? Non. Mais Barry. Barry. Elle bosse où, ta mère? Il est con. Mais Théo est infirmier à l'hôpital, sa mère est docteur à l'hôpital. Thomas, il est chômeur à l'OLD. Il fait des bites en bois. Mais tu faisais pas le... Si, pendant un temps j'ai travaillé à l'hôpital. Voilà, mais voilà, je suis pas fou. Mais disons que j'ai toujours traîné dans le milieu hospitalier et ma mère m'a dit cette phrase quand j'étais jeune. Elle m'a dit oh, les gens qui m'appellent Marie-Pierre, ça m'insupporte parce que c'est forcément des gens du boulot. Donc à partir de là, mon cerveau il a brillé. Et bim. Il s'est dit, si je veux des casse-couilles pour ma daronne. Et j'ai décidé d'être casse-couille pendant à peu près 25 ans et d'appeler ma mère Marie-Pierre. C'est marrant. Et cette anecdote là, Barry, de djembé. Oui, bah voilà, donc le djembé. Moi, mes souvenirs s'arrêtent là, d'accord. Et donc, il faudrait un jour, bientôt, de, alors encore plus bientôt maintenant qu'on a des super nouvelles, mais bientôt, on pourra enregistrer à Paris et bientôt, on enregistrera avec Thomas. Je vois pas en quoi, c'est une super nouvelle. Hein. Thomas. C'est bon, on a Thomas Bonham, alors. Ah. Et on enregistrera avec Thomas Bonham et on parlera de cette soirée et il nous racontera son point de vue qui est fantastique. Petite virgule dans mon anecdote, victoire et fâché contre Emma. Crevons l'abcès, ça fait, on fait que. Emma s'en va. On entend parler depuis tout à l'heure. Emma victoire, s'en va. Victoire, pourquoi t'es si en colère contre Emma? Déjà, je remercie Victoire de ne pas avoir fait une petite critique ou un petit mot ou un petit truc parce que depuis tout à l'heure, elle n'arrête pas de dire que je vais abandonner. Victoire, dis-nous pourquoi tu es en colère contre Emma. Je suis pas en colère contre Emma, je suis en colère contre Nior. Elle va s'installer à Nior. Et d'ailleurs, Charles, c'est le papa de Charles qui lui a fait visiter le dernier appart. Qu'est-ce qu'on en pense, d'ailleurs, du papa de Charles? Sexy. Non, on coupera. Non, on coupera. Rien du tout. Ça allait faire rire l'assemblée. Non, très sympa, le papa de Charles. Tel père, tel fils. Point. Alors du coup, sexy, pas sexy, là je suis un peu perdu. On est perdu. Donc Charles, sexy. Je suis bourré. La pire émission. Non, reprenons. Non, par contre, hyper drôle, effectivement, d'être confronté au papa de Charles, sachant que j'ai cramé les bails avant. En lisant une annonce sur le bon coin d'un appartement à louer. Et déjà, je vois marqué portail. Déjà, dans mon cerveau, ça fait tilt. Ok. Et ensuite, à la fin de l'annonce, une phrase. Pas besoin de demander si l'appart il est dispo, c'est si. S'il y a l'annonce, c'est qu'il l'est. Bon, c'est portail Charles. C'était du portail. Je vais pas insulter le papa, mais j'insulterai Charles. C'est quoi l'insulte? Ok, Victoire, c'est quoi l'insulte la plus appropriée à pour coller Charles après Charles? Ah putain, c'est chaud, il y en a plusieurs qui me viennent en tête. Vas-y, dis-les toutes et puis nous on vote. Un counard, et non pas un connard, un counard. Pourquoi cou et pas co? Je sais pas, c'est. Ouais, juste. Ouais. Ok, ensuite. Un salopio. Oh. Oui. Oui, les darons diraient que Charles est un salopio. Salopio. Bah, les darons diraient que Charles est un bourgeois. Putain, j'ai regardé American Pie hier et je sais pas pourquoi il y a un truc qui me fait penser au. Comment il s'appelle le mec qui baise la daronne de Stifler? Je connais que Stifler dans American Pie, j'ai pas vu. Qui c'est le mec qui baise la daronne de Stifler dans American Pie, Thomas? Emmanuel d'après Macron. Sa tête. Flinch. Ah oui, ça me dit quelque chose. Stifleur, sa daronne, elle baise avec un mec apparemment. Donc pas Stifleur. Et je sais pas, Charles me fait un peu penser à lui. Mais ça serait tout à fait le... Charles pourrait baiser une daronne. Puis même dans cette façon d'être et tout... Je suis pas sûr. Un peu counard. Et je reviens des toilettes et j'entends des affreusités. Comment on est arrivé à Charles peut baiser des daronnes? Bon, je pense que si une daronne lui plaît, à l'époque... Non, je pense pas, hein. Non, mais moi, je pense qu'une daronne lui plairait peut-être, mais je suis pas sûr qu'il plaise à la daronne. Ouais? Oh non, je pense pas. Ah, c'est pas vraiment genre mais non, le profil. On respecte pas assez que le fait que Charles ait gardé sa virginité pendant un certain temps. Ah, mais c'est hyper méchant. Non, c'est pas hyper méchant. C'est... Non, c'est pas de ça que je parle. Non, c'est qu'il il a préféré la qualité à la quantité. Je suis bien d'accord. Et quelle qualité. Ça, par contre, oui. Et il aurait pu. Je pense qu'il aurait eu des occasions. Des et millions Charles, quand a fait son changement, ça a été. Charles a fait son coming out. Un nouvel homme. Et Charles a accepté de sucer les queues. Quand il m'a viré de son lit. Ah, c'est donc ça. Victor, en fait, ça va être sur la thématique de l'abandon. Deuxième mi-temps, on est sur la thématique de l'abandon. On éclaircit pour les gens qui nous écoutent encore, s'il y en a. Parce il y en a que peu. Franchement, il y en a très très peu. Non, mais on a perdu beaucoup là. Sans le montage, on est à beaucoup. On est à 464. Wow, 4777 mesures, je sais pas ce qu'on entend ça fait. On peut mettre ça par rapport au nombre d'anecdotes. On est à combien d'anecdotes? 4 4 anecdotes. 2 courtes, 2 longues. On est bien. Victor, je t'écoute. Non, mais c'est tout, quoi. Mais non, mais faut que tu me racontes ce qui s'est passé quand il t'a viré de son lit. En fait, Victor, elle logeait chez Charles et Barry. Mais c'est que Charles est devenu un nouvel homme à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que moi, j'allais à Bordeaux squatter... chez les copains pour mes études. Parce que quand on habitait ensemble avec Charles, tu étais là une semaine par mois, quoi. Ouais. Et Charles me proposait gentiment son lit. Mais Charles a fait son coming out et je n'ai plus jamais eu son matelas très confortable après. T'as bien ce lit, ouais, c'est vrai. Victor, est-ce que t'as une autre anecdote parce que, de soirée? En fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais vraiment plein milieu d'une histoire qu'on m'a coupé, qu'on est parti sur d'autres. Oh, c'est vrai, tu l'as pas terminé? Non. En plus, elle est hyper drôle. En plus, elle est super drôle. Moi, je me suis arrêté au djembé, j'ai rien compris. Ben voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'était... On est arrivé à cette soirée chez le mec. Donc moi, je suis out of this world, d'accord. Je ne suis plus conscient, plus rien. J'arrive chez Ginette et je me mets à lancer des trucs sur les gens. Je prends des chips, des miel pop, des curly, je les lance sur les gens. T'es insortable, en fait. Mais pourtant, j'ai jamais fait ça de ma vie, tu vois. Il est pas sortable. J'ai déjà fait des trucs bêtes. Mais des trucs genre... mal intentionné comme ça, jamais j'ai fait de ma vie, tu vois. Genre, tu vois, c'est pas wap du tout. Ça, de faux. C'est pas ton genre. Et je commence à parler avec des gars, de sirop, et le gars me dit... J'ai volé une bouteille de sirop parce que je pensais que c'était ma bouteille d'or. Et un gars me dit, mais ouais, putain, j'aimerais pas me bagarrer avec toi, ou un truc comme ça. Encore, je le reprécise, je me souviens pas de ce moment-là, c'est Thomas qui m'a raconté. Et il y a un truc que je sais sur moi, c'est que je suis persuadé d'être nul en bagarre, tu vois. Et ça m'étonne. Enfin, ma réponse m'étonne pas. Je lui ai dit, d'après Thomas, non, mais je pense pas qu'il y ait une trop grosse différence entre nous deux. Tu sais quoi? Viens, mets-moi une droite. Après, je te mets une droite. Et on voit qui c'est qui est le plus clému, tu es le plus fort en bagarre, tu vois. Les gens malins. Et donc, on a dû se faire séparer par des gars qui pensaient qu'on voulait se bagarrer parce qu'on voulait vraiment savoir qui de nous deux était le plus fort en bagarre, tu vois. Et du coup, je fais des conneries, jette des trucs, je m'embrouille pas avec des gens, je suis gentil, tu vois. Mais en même temps, je fais des saloperies, genre renverser des verres par terre, enfin, vraiment, un connard, tu vois. Et ils sont en mode, ouais, on va aller à la boat, et moi je suis en mode, non. Pas envie, rien acheter. Je veux pas, machin. Alors ça m'étonne pas non plus, parce que j'ai pas d'argent à ce moment-là, donc je me dis, non, je vais pas aller à la boat, dépenser 1000€, alors sur mon compte, il y a moins 47€. Bah, à ce moment-là, c'est ta vie. Alors, en ce moment même, là, au moment où on parle, Victoire, j'ai reçu mon salaire, j'ai plein d'argent sur mon compte. Pas pour longtemps, mais il y a quand même plein d'argent sur mon compte, d'accord? Et même pas de côté. Et Alors, ce qu'on fait sur l'épisode le prochain épisode, on invite juste Victoire qui nous fait des cours de gestion d'argent. Limite. Budgétisation, tout ça, c'est toi qui fais, d'accord? Et donc, je vais pas à la boat et je me dis, tu sais quoi, je sais pas ce que je mets dans la tête. Radio. c'est là que s'arrête ce pan de l'anecdote. Et donc moi, ma mémoire, je vous rappelle, ma mémoire s'est coupée depuis juste après le djembé, tu vois. Et donc là, je me réveille sur un banc, en panique, je comprends pas ce qui se passe et tout. Paris, je vais te couper, mais après toutes ces anecdotes que j'ai écoutées en podcast, oui. Est-ce qu'il y en a une où tu t'es pas endormi? Non, peu, très peu, très peu. En vrai. Par contre, mais il a toujours l'air surpris de s'être endormi, et oui, ça c'est maladif. Alors écoutez, j'en ai d'autres encore avec l'endormissement. J'en ai d'autres sans endormissement. C'est pas possible, là, t'as... Tu vas pas nous jouer. Non mais je me suis pas. Non mais celle-ci je me suis. Non. Alors, mais tout le monde a sa signature. Non mais parce que là on a deux anecdotes d'endormissement qui sont quand même très différentes. La première, j'étais sous drogue, donc c'est pas ma faute. Et celle-ci, je me suis couché. Je me suis couché. Genre je me suis pas endormi, genre involontairement. Je me suis allongé sur un banc pour dormir. Et donc je me réveille. Et le moment où je me rends compte que je me suis allongé pour dormir, c'est que j'ai mon sweat. Qui me sert d'oreiller, et en fait c'est juste qu'il y a un mec qui me secoue à l'arrêt, parce que c'est un banc sur un arrêt de tram, qui me secoue et qui me crie dessus, et donc j'ai trop peur, je me lève, je me casse en courant parce qu'il me fait trop peur le gars, tu vois, je me casse et vraiment il est en train de me hurler dessus, et je sais pas ce qu'il voulait, mais peut-être qu'il était gentil, il me disait genre parce que j'arrivais pas à me réveiller avant, mais à ce moment-là en tout cas j'ai juste vu un mec qui me hurle dessus, j'ai eu trop peur, je suis parti, j'ai laissé mon sweat, hein. Je suis juste parti. Et je me suis dit... ce pauvre type qui a réveillé un cadavre sur un arrêt de tram pour lui dire « Mec, ton tram est arrivé. » Il n'y avait pas de tram. Et le mec s'est barré en courant. Il était super méchant. Le mec me parlait trop mal. Moi, j'ai juste compris qu'il était en mode... C'est possible aussi. Et à ce moment-là, je regarde l'heure et je vois qu'il est genre 3h30. Et je me rappelle que je devais aller à une autre soirée après la soirée où j'ai fait n'importe quoi. Et je sais pas où je suis, je regarde mon GPS et je vois que je suis genre à 10 minutes à pied de la soirée où je devais aller. Je me dis que sa mère, j'y vais. Je marche, marche, marche, j'y vais. Je vois plein de gens au pied dans l'appart, je regarde l'adresse et je vois que c'est l'endroit où je devais faire soirée. Donc je fais bah, salut, ça va ? Et je reconnais une meuf de ma promo, et donc c'était les gens à qui je devais faire soirée. Ils me font mais putain, mais Barry, mais pourquoi t'es pas venu plus tôt ? Et je dis ouais, les gars, je sais pas ce qui se passe, je me souviens pas trop ce qui s'est passé. Je me suis réveillé sur un banc il y a genre 20 minutes avec un mec qui me hurlait dessus. J'avoue, je comprends pas trop ce qui se passe et tout. Et les gens, des invités qui étaient pas de la promo, j'avais genre une grosse parka bleue, pensent que je suis un livreur Uber Eats qui s'est perdu. Et donc ils se foutent de ma gueule en mode bah mec, prends ton vélo, casse-toi. Et je suis Ah, mais toi, il y avait des potes de la promo. Il y avait des potes de la promo, et il y avait des gens pas de la promo. Et moi, je parlais surtout avec des gens pas de la promo, tu vois. Okay. Et ils pensaient que j'étais un livreur et je m'étais paumé, tu vois. Et après, la meuf chez qui était la soirée fait putain, mais Paris, tu sors d'où, machin. Je lui réexplique. Et elle me fait avec sa coloc, bah vas-y, monte. Tout le monde se cassait, mais vas-y, tu sais quoi, monte, pose-toi, on boit un coup, et puis après, tu te casses ou tu dors sur le canapé, t'inquiète. Je monte. On se marre, on rigole et tout, on est genre 3-4, et on se remet à boire, et on boit, et vraiment on boit beaucoup. Second trou noir, je me réveille dans le pieu, je suis dans le pieu. S'il sort avec mon ex. Et un Marie-Pierre, putain. Bam. Non, je me réveille dans un pieu. Je regardais à côté de moi, mais il y avait la coloc de la meuf que je connaissais. Je me dis merde. Et en mode. Alors que je devais choper une meuf par an. Hein. Je me dis merde, c'est sûr, je l'ai pécho, c'est trop chiant, c'est trop bizarre, machin. Alors. Non, pas du tout. Bref. Et donc je me lève, inconscient, je me souviens encore de rien, mais je sais pourquoi je suis arrivé là, mais je sais pas pourquoi je suis dans un lit. Je me lève. Je vois mon futal, genre, décousu. Vous voyez un pantalon qui est cousu normal. Il y a une couture qui va des couilles à la cheville. Il était cousu au niveau des couilles, cousu au niveau de la cheville, mais décousu entre ces deux points, tu vois. Donc, il était tenu en haut et en bas, mais pas au milieu. Donc, il y avait ma jambe qui circulait comme ça, qui se baladait. Et je me casse en mode « Au revoir hein. !» Et là, putain, t'as mon Facebook, machin. Je m'en vais. Mais t'as regardé des trucs avec elle? Je pense pas. Non, franchement, je pense pas. Après, tu découvres souvent tes pantalons. Je me suis réveillé en caleçonné. Quoi? Tu découvres souvent tes pantalons. Je suis arrivé en retard quand Victor est venu me chercher parce que je me suis rendu compte que mon pantalon était déchiré tout à l'heure. Et donc, non, pour moi, il s'est rien passé, mais mon jean me carte déchiré au niveau de l'entrecuisse. Bref, et je sais que cette anecdote n'est pas super intéressante, mais je vous la raconte quand même. Et donc, je me casse, et là, je me rends compte qu'il est genre 13h30 et qu'il faut que j'aille chercher Louis Callot. Qu'on aura peut-être un jour dans cette émission. Je sais même pas s'il sait que cette émission existe. Ça serait drôle. Ça serait marrant avec sa meuf. Mais déjà, qui sait que Louis existe? Bah, tout le monde. Oui, vous auriez vu la tête de Thomas. C'est extraordinaire. Et donc, je prends un scooter. Oui, mais j'ai redécouvert cette personne il y a 4 secondes. Je traverse la street. Je prends un scooter. Parce que je suis américain, donc la street. Je prends un scooter. Et il y a un mec qui me fait Chef. Je me retourne, il fait « T'as un problème de pantalon, là ?» Pour montrer qu'on voit mes couilles qui dépendent du fut. « Ouais, oh, t'inquiète. » J'y vais à la gare. C'est un scooter électrique qui fait « Je récupère personne. Je m'arrête à la gare. Je vais boire un café avec mon fut, avec ma jambe qui dépasse du fut. Il y a Louis qui arrive, je le récupère. Et je vais me poser chez moi. Je branche mon téléphone, parce que j'ai évidemment plus de batterie. Je branche mon téléphone. Et je vois la meuf, donc la coloc de la meuf de ma promo, qui m'envoie un message genre « Waouh, c'était fantastique cette soirée, franchement on s'est trop marré, j'aimerais trop te revoir, ça me ferait trop plaisir et tout. » Je suis en mode « Ouais. » Elle me dit « Ouais, ça te dirait qu'on se voit tel jour, machin. » Et moi, c'est la première fois de ma vie qu'on me propose un date, genre. Donc, c'est qui cette salope? Pardon, bah. Je me suis un peu emporté. On est à la radio. Et genre, je lui dis Chaud, on se voit et tout. Et bon, ça c'est plus dans l'anecdote, mais au final, Charles m'a appelé genre le lendemain en me disant « Ouais, j'arrive tel jour. » C'était le même jour que le moment où je devais voir cette meuf. Il dit « Ouais, il y a mon gars qui arrive de Brest, que j'ai pas eu depuis super longtemps, qu'elle a et tout. » Brest, l'époque. Et du coup, peut-être c'était Nantes, je sais plus. Non, ça devait être Brest. Je pense que c'était Brest, c'était l'un ou l'autre, tu vois. Et donc j'ai fait, ouais, il y a mon pote qui rentre de Brest, je l'ai pas vu depuis des années et tout, donc faut que je le voie, je suis désolé, faut qu'on annule. J'annule le date avec cette meuf pour prendre une caisse avec Charles. On prend une petite caisse, on commence vers la Victoire. On prend la rue Sainte-Catherine pour aller vers le cours Alsace-Lorraine. Et sur qui on tombe dans cette putain de Victoire? Non. Si. Victoire. Non. Si. Je t'assure que si. On tombe sur la meuf. Ça y est que sur, y a que avec toi que ce genre de choses. Non, il y a pas que avec moi, il y a avec plein d'autres gens. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que tu lui as dit? Je la vois et je me dis pardon. Tu lui avais dit quoi comme truc? Je lui avais dit, il y a mon pote qui vient de Brest que j'ai pas vu depuis genre des mois. Oh, mais ça va. Et ça, mais non, mais j'ai jamais mytho, hein. C'était pour de vrai. Juste, je cherchais une façon d'esquiver ce date et il y a Charles qui m'a dit j'arrive à Bordeaux de suite. Donc je me dis putain, trop bien, j'ai une excuse, tu vois. Et je tombe sur cette meuf dans la street et je me dis putain de merde. Et elle me regarde en mode « Waouh, Barry, ça va ?» et tout, trop nul qu'on ait pas pu se voir et tout. Et donc j'étais avec Charles, « Bah ouais, désolé, c'est qu'il y a mon pote Charles là-bas et tout. » Et je sais pas, je me demande si Charles est souvenu de cette histoire. J'aimerais bien savoir sa vision du truc, mais bref. Et elle me dit « Bon, bah on se revoit bientôt et tout. » On ne s'est jamais reparlé. Et j'en suis ravi, parce qu'elle ne me plaisait pas du tout. Et je savais pas comment faire pour esquiver ce rendez-vous. Et voilà, c'était la fin de... Et c'est peut-être la seule et dernière fois qu'on dira ça. Merci. Charles. Merci Charles. Merci Charles. Ah bah pour une fois qu'il m'a sauvé le cul. Merci Charles. Oui. Non, on aime. Alors j'aimerais. Alors la dernière fois, on a quand même pas mal insulté Charles. Non, la fois d'avant, on a quand même pas mal insulté Charles. Ça m'a fait beaucoup rire. Ouais, ça fait 3 émissions quoi. Ça fait 3 émissions qu'on insulte Charles tous les jours. Non, pas celle de Marion, mais elle est pas sortie encore, celle avec Marion. Écoute Charles. On t'emmerde quand même un petit peu, mais pas trop trop. Et donc il te faut un droit de réponse. Donc on t'attend Charles. Et ce serait super que la prochaine ce soit avec toi. Ouais. On s'est raté à Bordeaux. Reviens à Niort, tu préviens quand tu reviens. On enregistre une petite émission, tu peux insulter tout le monde sauf moi. Et voilà, nickel. On va à Lyon. On va à Lyon. Tu sais quoi, Charles? Vu que tu vas écouter ce morceau, cet épisode dans un moment, on va pas t'envoyer de message. Une fois que t'as entendu ça, tu nous envoies un message et tu nous dis « Ouais, j'ai écouté, vous venez à Lyon tel jour. » Et voilà. Ou de 2 heures de podcast qu'il aura sûrement pas écouté. Voilà, c'était mon anecdote. Elle était pas aussi drôle que celle des autres fois, etc. Mais je trouve que, enfin, moi, la performance de faire performance entre guillemets, hein. Mais le fait d'avoir fait 2 trous me fait beaucoup rire. Je savais même pas que c'était possible. Alors, la performance d'endormissement à chaque anecdote est et quand même très remarquable. Oui, si on peut souligner quelque chose. Non, mais là, en fait, moi qui le vis, je vois là très bien la différence. Peut-être que vous voyez pas. C'est que, en fait, quand je m'endors, c'est genre vraiment genre je me sens bien, je m'endors, tu vois. Là, c'est vraiment genre le blackout. Je me suis couché les deux fois, mais juste j'avais tellement bu que je me souviens pas d'être allé me coucher, tu vois. Ouais, tu t'es endormi bourré quoi. Non, je suis pas endormi, je suis allé me coucher bourré. Tu vois la différence ? Mais partir s'endormir sur un banc public, bon. Non mais j'étais sur le banc, je me dis tiens si je dormais ici. Non mais pour moi c'est encore plus débile que juste m'endormir. Parce que si je m'étais endormi sur le banc, je serais en mode oui bah t'étais fatigué, t'es endormi. Non, je me suis allongé, je me suis mis ma veste en couette, mon pull en oreiller en mode je vais dormir ici, c'est mon lit. J'ai pris mon doudou, j'ai pris ma couette, j'ai pris mon truc, mais je me suis pas endormi. Thomas, Emma, quels sont les pires endroits où vous avez dormi ? Moi je pense par terre, moi j'ai une lubie aussi de dormir par terre, j'aime trop ça. Enfin sur les tapis surtout. Moi, le les pire tapis. Endroit où j'ai dormi, je dirais à côté d'Emma, peut-être. Wow. Oh, c'est violent. Ouais, mais c'est réaliste. C'est vrai. Je ne vois pas dormir à côté de moi. Emma ronfle pas, pourtant. Non, je ronfle pas. Oui, bah, ça, elle le dit quand elle est pas bourrée. Je prends la place, je suis en culotte et je suis pieds nus. Ça fait désagréable. C'est ça. Le problème est long là. J'aime bien toucher les gens quand je dors. Victoire, ça t'est déjà arrivé. Là, ça l'a. Victoire, ça t'est déjà arrivé. Oui. Je t'ai confondu avec je sais plus qui, mais mon ex, et je te caressais la cuisse. Allez, ça part. Allez, ça part. Par contre, la question, c'est quel ex ? J'en ai qu'un. Menteuse. Un seul officiel. On parle pas des ex-plans. On parle des ex. C'est pas une émission de cul, hein, au final. Enfin, on m'a vendu ça, enfin, depuis le début. Enfin, Bonne soirée, il y a souvent du cul là-dedans. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de cul d'ailleurs. Eh ben, c'est pas plus mal. Mais dernière soirée, si vous voulez une anecdote rapide, courte et simple, on en parlait encore hier. Barry, voilà, c'était fait. Fin de l'anecdote. Elle s'appelle Barry, elle se termine par Barry. C'était une anecdote très rapide où on faisait after pour l'anniversaire d'Adé, Adrien. Et je sais pas pourquoi, il y a une époque, mais c'était une époque, une année où on enchaînait mais des caisses. Mais c'était abominable. C'était mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. C'était. Mais stop, fallait arrêter au bout d'un moment. Et moi, je sais pas pourquoi. Adé, il fait son anniversaire en ville. Je dis, bah écoute, pas de soucis, on fait l'after chez mon père. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Ben, j'invite toute la ville chez mon père. Alors que j'ai pas le droit de faire soirée. Oui. Hein. Ah oui, c'est là où il y avait les basketteurs et tout. Mais il y avait l'équipe de basketteurs, il y avait l'équipe de rugby apparemment, il y avait des voleurs, il y avait j'en sais. Mais pour vous dire à quel point, c'est que même Dylan m'a engueulé parce que c'était trop. C'était trop. Ah, je vois là où tu veux en venir. Eh oui. Et après, bon, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est-à-dire raconte, que j'ai gros orteil. Oh, le suceur de pouce. Parce que c'était cette soirée. Hein. Oh, je suis quelque chose, je sais même plus parler. Ah, oh, tu m'as coupé la voix. Tu as mis mute. J'ai un souvenir de cette soirée où tu m'avais parlé d'un mec qui suçait des orteils. Hein. Voilà. Écoutez, donc je suis parti chercher à boire. Je sais pas ce qui s'est passé entre temps. On m'a dit on a fait une coupure, tu feras du montage. Donc je ferai du montage. Merci pour ces anecdotes. Merci Emma pour cette anecdote de soirée chez ton père. Merci à Magic Flonflon qu'on insulte quotidiennement. Victoire, est-ce que tu avais une autre histoire à rajouter là-dessus ou une histoire à laquelle tu as pensé après qu'on ait raconté nos prouesses ? Non. Oh, bah, c'est catégorique. Victoire, elle a pas travaillé. Victoire, elle a fait une chronique de 3 minutes elle pour une émission fumé. De 2 heures elle a fait, et après, je ne fais plus rien. Je participe quand même. Non, c'est vrai, c'est vrai. Thomas. Je me retourne vers toi parce que je sais que toi t'as bien travaillé. Oui. Et je sais que tu avais une anecdote sur moi où t'as pu prouver que j'étais un gentilhomme. Il me semble t'avoir entendu dire que t'en avais aussi une qui est parlée d'Emma. Oui, j'en ai une qui parle d'Emma mais qui dure 1h30. Oh, donc, ça va, c'est nain. Donc prenez la voiture, faites un aller-retour à Nantes et puis écoutez. Alors, comment situer cette anecdote ? Nous sommes en juin, mai-juin. Oui, il faisait chaud. Ouais, il faisait chaud. Il faisait trop chaud. Il faisait trop chaud. Mais maintenant, oui, mais j'habite à Nice, c'est dans le sud. Et Emma me dit, écoute Thomas, il y a des racistes à Niort, mais viens voir les nôtres chez nous, ils sont vachement bien. Et là, me v'là débarquer à Nice pour voir des vrais racistes. Et donc, je débarque chez Emma. Donc, tout le plan est organisé par Emma, en sachant que vous commencez à comprendre le background de Emma. Et tout est un plan pourri. Tout est un plan pourri. Je débarque, tout est un plan pourri. C'est-à-dire... Non, c'est que Thomas, il a pas de chance à chaque fois qu'il organise des plans avec moi. C'est vrai que je propose pas mal de plans pourris. Et je débarque dans son appartement, qui est un appartement en colocation. Et je débarque dans cet appartement et Emma me dit, bah écoute frère, là je travaille, donc 75% du temps tu seras avec moi et puis 25% du temps je serai pas là. Avec les colocs. Voilà. Et je pas n'importe quel coloc. Et je me retrouve dans une coloc qui était un très grand. C'est la coloc que j'ai vécu. Ouais, c'était un très très grand appartement. C'est pas que j'ai connu, c'est que j'ai vécu. Attention parce que j'en ai à dire. Ouais, on est d'accord, Victoire. C'était un très très grand appart en soi qui aurait pu être bien aménagé ou quoi que ce soit, mais en fait dans cet appart. Juste rénové au final. C'était juste un taudis avec une table basse. T'es pas passé après que j'ai fait le ménage. Alors non, parce que la douche était dégueulasse. Anecdote pour Emma, on en racontera plus tard. Oui. Mais le plus gros de la coloc, c'était pas vraiment la propreté parce qu'on n'était pas venu là pour ça, mais c'était la coloc, la personne qui vivait en harmonie avec Emma. Et finalement, Romy. Et finalement, cette dame avait une liberté sexuelle qu'on va pas juger ici puisque oui. Non, là, c'était trop... Oui, mais c'est bien d'avoir la liberté sexuelle, c'est vachement bien. Mais le problème, c'est qu'en parler ouvertement avec un mec que tu connais depuis 3 secondes, c'est-à-dire... Littéralement 3 secondes. Hein. Oui, vraiment. Bonjour Thomas, bah écoute, hier, je me suis fait dérouiller par 3 mecs que je connais même pas. Non, elle parlait des glaçons qu'elle mettait dans sa chatte. Oui, aussi. Et après qu'elle... Thomas arrive, elle parlait des glaçons qu'elle était dans sa chatte, qu'elle mettait dans sa chatte pour ressentir des sensations, on était sur le balcon, et une fois qu'elle a terminé cette anecdote, elle se retourne vers Thomas et fait « Et au fait, comment tu t'appelles ?» Exactement, exactement. Ça s'est passé exactement comme ça. C'était le premier soir. Du coup, je me ramène là-dedans. Emma s'en va le lendemain. Je me tape la Romy qui arrive à 14h, qui fait un bruit d'avion pour prendre une douche et je ne sais quoi. Je ne sais pas dans comment se débrouillait. Elle faisait un bruit, mais gros. Elle invite des copines que je ne connais pas, qu'on ne se connaît pas, mais elle est obligée de rentrer dans ma douche quand moi je prends ma douche. Une grosse dame que je ne connais pas qui rentre dans ma douche et qui me fait « Ah, désolé, on se connaît pas, très bien. » Et donc ça, c'est le début du voyage. Donc j'arrive à Nice, et ça c'est vraiment l'ambiance qui traîne autour de Nice. Et à ce moment-là, mes seules activités de la journée, c'est d'aller chercher des bières au bar, enfin pas au bar, à la petite opérette qui était à 500 mètres, et je fais ça tous les soirs. Et à un moment, au vu des conditions de vie qui étaient atroces, je dis, vas-y, je vais inviter un de mes meilleurs amis à moi, et un tisme sucré salé que Emma appréciait beaucoup, j'invite Gabin, qui est un très bon protagoniste à cette histoire. Très bon prédateur. Aussi. Mais... Et du coup, la semaine se passe et Gabin arrive. Et là... Non mais attends, mais c'est très rare parce que tu m'as dit, genre par exemple, je sais plus si tu m'as dit à 15h, en mode, on peut inviter Gabin. T'appelles Gabin, ah ouais, il peut avoir un avion à 18h, 20h, il était là. Et la coquine n'a pas dit non. Mais bref, ça c'est le début de la semaine. Arrive le week-end de cette semaine-là. Et du coup, nous avec Gabin, on avait fait le tour de Nice. On n'avait pas vu Jacques Chirac parce que on était trop bourrés. Mais bref. Et Emma nous dit, écoutez, je vais faire une soirée avec... je ne sais plus comment s'appelle ce groupe. C'est Anaïs qui propose ça. Oui, mais Anaïs, on ne la connaissait pas à l'époque. Donc tu nous dis, Anaïs nous propose une soirée. En fait, c'est toi qui nous propose une soirée. On va dans l'arrière-pays niçois. En voiture, parce que comme l'indique le nom, c'est l'arrière-pays niçois, il n'y a pas de moyen de transport pour y aller ni pour revenir. Ça a été très compliqué d'ailleurs pour revenir. Non, mais on va chez des gens, on débarque chez des gens qu'on ne connaît pas, et il y a une espèce de fausse ambiance où tout le monde se connaît, mais en même temps personne ne se connaît. C'est normal qu'on soit là, mais en même temps personne ne se connaît vraiment. Non, c'est ça. Et on arrive chez un mec. Vraiment un bourbier. J'avoue, j'ai emmené Thomas dans un bourbier. On arrive donc Gabin, qui est tismé. Et moi, qui arrive là-dedans. Et on arrive dans un vrai pays raciste. Vraiment, on arrive là-dedans. Et on arrive chez un mec dans le. on a fait, je sais pas, 20 minutes de route dans des montagnes et tout. On arrive dans l'ancien pays niçois et on arrive chez un type qui est soi-disant prof. Prof dans des. Prof d'SVT. Ouais, prof d'SVT dans des écoles. En difficulté. Mais le mec est ouvertement raciste. Il faut qu'on se pose des choses. Il est ouvertement raciste. Il nous invite chez lui. Mais en fait, on se rend compte qu'il nous invite pas chez lui. Bon, si. Non, il nous invite chez sa mère. Ah oui, oui, pardon. Oui, mais chez lui, c'est sa mère, c'est la même chose. Et le mec. Mais il a 30 piges en plus, Olivier, à cette époque-là. Hein. Ah, il avait. Je sais pas. Tu dis les noms, c'est formidable. Il doit 30 balles. Non, mais, alors, par contre, lui, nom, prénom, nom de famille, numéro de sécu, on donne tout. Oh, ouais, la foutre. Mais on arrive. J'ai plus son nom. On arrive chez ce type. Et du coup, après les discours très glorieux sur le fait que. Oui, alors les gens de cité, c'est forcément des gens noirs qui sont difficiles. Bref, on passe tout ça. Et Gabin, qui est ismé là-dedans, se fait embrigader et le mec qui est chez sa mère nous dit « Attendez les gars, je vous ai pas dit, mais j'ai une super collection d'armes factices. » Ah oui, il adorait ça. On vous l'a et nous, on était un peu gênés parce qu'on était chez le type, c'est lui qui nous invitait à bouffer, donc on pouvait pas dire « Non, je m'en bats les couilles de ta collection d'armes factices. Fous-nous la paix avec tes idéaux racistes, on s'en branle. » Mais non, là, on était obligés de dire « Ouais, ouais, c'est vachement cool, quoi. » Et du coup, nous voilà passés dans sa chambre, donc avec sa mère, on était chez sa mère, hein. Sa mère qui nous regarde de loin. Que... Tellement bizarre. Sa mère était une sorcière. Vraiment... Ouais, c'était une sorcière. C'était une femme un peu bizarre qui venait nous espionner sans dire un mot à cette soirée. Une sorcière qui espionne, qui regarde, tu sais qu'elle est là, ouais. Mais elle dit rien, tu sais, mais de loin. Et du coup, on rentre dans cette chambre avec Gabin, Emma, et là, le type commence à faire essayer à Emma, à Gabin, des gilets pare-balles, des sets de munitions, et voilà que le mec commence à essayer de nous dire « Bah écoute, vous voulez essayer de tirer avec tout ça ?» Et on se retrouve dans cette histoire où on est chez un raciste. Ça paraît fun, non ? Ça paraît fun, ouais. Mais on est chez un raciste qui nous fait essayer des armes factices, mais qui est persuadé qu'il fait ça parce qu'en même temps, il doit protéger les gens de d'autres mauvais gens. Et la soirée se passe, on n'est pas très à l'aise et tout. Il y a sa mère qui nous espionne tel un hibou à chaque soirée. Et ma vise, Gabin, fais la victime. Exactement. Et on se retrouve. On se retrouve où finalement cet homme-là qui a passé sa soirée à nous raconter qu'il voulait absolument prendre la voiture bourrée parce que, je sais pas, il était alcoolique ou je sais pas, il avait un message à faire passer. Et son mot, en fait, c'était de prendre la voiture bourrée et d'avoir des accidents avec, et il nous racontait ça ouvertement, en plus des propos racistes, avec Gabin et Emma. Et attends, vous étiez pote avec ce mec ? On avait rien demandé, nous. Pote avec ce mec, pas moi. D'où le Et pourquoi vous alliez en soirée là ? Pourquoi t'es allé en soirée là-bas ? T'as des gens en soirée là-bas, toi ? Pourquoi ? Tu veux annoncer à tout le monde dans le podcast que j'étais sans amis à Nice, et que j'étais perdue comme le pain, et que j'étais au bout de ma vie, et que du coup on allait dans la RP niçoise chez des putains de nazis ? Thomas, je te laisse continuer. J'avais pas le choix. Non, sur le moment, tout paraissait bien, mais on arrive là-bas, c'était l'enfer. On a passé une soirée où au final, on arrive. Bon, déjà, on n'est pas à l'aise parce que ces gens sont pas de notre, n'ont pas les mêmes idées que nous, et on se dit bon, c'est pas grave, tu sais, ça peut se passer et tout. Et on arrive, et là, en plus de nous qui n'étions pas trop à l'aise, on connaissait pas ces gens, on se fait inviter et tout. Il y a une embrouille de couple, comme quoi ces gens qui avaient couché avec d'autres gens. Enfin, on s'en battait les couilles, mais en même temps, toute la soirée est ruinée. Ah putain, c'est pas le petit gros là. Ah ouais, si, le petit gros. Okay. Oh, qui... Et bref, on se retrouve. Tous ces gens vont dormir. On se retrouve chez un type qu'on connaît pas, perdu au milieu des montagnes. Et il reste quoi ? Il reste Anaïs. Il reste Anaïs, moi, Emma. Et on se marre. Et Gabin, non ? Oui, enfin, et Gabin, oui, excuse-moi. On était tous les quatre. On était tous les quatre et on se marre. Nous, on fait notre soirée de notre côté. On dit, vas-y, on va dormir. Bref, on s'est allongé 4 secondes 5. En vrai, 4 secondes 5. Et là, il y a Anaïs qui nous dit. Ouais les gars, on était perdus au milieu des hauteurs de Nice. Et il y a Anaïs qui dit, ouais les gars, je vous jure, il y a un bus qui nous emmène chez Emma dans 30 minutes. Mais il faut se bouger le cul maintenant. C'est ce genre d'organisation. Ouais, c'est ce genre d'orga, tu vois. Et là, on vient juste d'être couché sur des matelas pneumatiques. Vrai, quand ça dit quelque chose, genre, vraiment, c'est vrai. Il y a Emma et Gabin quand je vois touche pipi, et c'est tout. Tu vois, vraiment, il n'y a rien qui s'est passé. Et là, on se dit... Matelas pneumatiques. Tais-toi. Et on y va. Et là, le problème, c'est que Emma met 45 ans à ranger son duvet, Anaïs pareil. Oh. Moi, je trouve pas ma clope électronique. Bref, on arrive dans ce village, donc c'est un espèce de village, on grimpe les montagnes, on arrive à cet arrêt de bus. Et là, on attend genre une minute. Et là, on se fait putain, on était déjà à la bourre pour le bus. Mais là, ça fait une minute qu'on attend, 5 minutes. Ouais. Et le bus est toujours pas là, tu sais. Ouais. Et en fait, on a raté le bus de 30 secondes. Et du coup, on a quitté cette soirée en catastrophe, en mode « ouais, on dit au revoir à personne ». On a marché 10 minutes dans le village tout bourré, à 6h du matin, arraché comme des... Pour prendre un bus moisi qui arrive avant vous. Voilà, pour prendre un bus moisi qui venait de passer. Et là, on est dans un village, enfin dans un espèce de village en hauteur à Nice, et le prochain bus, il est dans une heure. Une heure. Une heure. Une heure. Et il est 6h, 5h, et Emma, elle est pétée comme un petit lu, je suis pété comme un petit lu, Gabin est pété comme un petit lu, et Anaïs est en train de dormir sur le... Une heure. Sur l'abribus qui sent le pipi. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que l'abribus, il était immaculé de pipi. Le pipi. Mais ça, on s'en est rendu compte après 45 rigolo. Minutes d'attente. On s'est dit, putain, il y a un truc qui pue. Ah, c'est nous maintenant. Voilà. Et Anaïs était là. Je m'en fous. Et Gabin et Emma, ils ont fait, attends, mais deux minutes, si on suit la coulée qui est là, ah, c'est du pipi. On a attendu ce bus pendant 45 minutes. On n'avait plus de clope, on n'avait plus rien. Et en face, il y avait un PMU. Il ouvrait à 6 heures. On s'est ramené au PMU. Le mec, limite, s'il nous aurait pu nous donner des clopes gratuites, il l'aurait fait pour qu'on dégage de son bar. Un PMU, genre, vous êtes allé boire des bières Non, c'est vraiment le mec, il ouvrait son commerce. C'est un espèce de PMU de village de haute montagne. Donc commerce de proximité, quoi. Ouais, ouais. Il fait aussi boulangerie et librairie. Il y avait un standing, tu vois. Genre, les clodos qui sont là à attendre depuis 5h du matin dans le truc, ils voulaient pas les voir dans son bar. C'était pas l'ambiance. Donc... on attend le bus. Et une fois cette affaire faite, le bus arrive enfin après une heure d'attente. Donc le bus arrive. Et c'était pas un bus, c'était un Viano. Il y avait que nous. Enfin, au début, il y avait que nous. Vu qu'on était au plus haut de la montagne, il y avait que nous. Donc nous, on s'installe pépère. C'était l'époque des masques et tout. On s'en bat les couilles des masques. Il y a Anaïs qui était en train de dormir depuis 45 minutes qu'on réveille et on dit faut prendre le bus. On n'avait pas le choix. Elle fait mais frère, si je prends le bus, je vomis là. Oui, c'est vrai. En plus, Anaïs, elle vomit facile. Oh là là. Est-ce qu'elle écoute les émissions, Anaïs? Non. Mais je vais lui faire écouter. Ah, merci. Et après cette affaire, on prend le bus. Mais le bus, je sais pas, il a mis. De mémoire d'homme bourré, il a dû mettre au moins 30 minutes à descendre toute la route. Et puis c'était pas de la route, tu sais, c'est du tout droit, c'est du bus, je fais en ville. Non, c'est je descends un col de montagne, donc c'est droite-gauche, droite-gauche. Et après ça. Oui, excuse-moi. Après ça, Anaïs qui dit je vais vomir, Gabin qui était là dans son masque qui dit ça pue la clope dans mon masque, qu'est-ce que je fais, je l'enlève pas. Et on arrive enfin chez Emma pour enfin se poser. C'était la pire expérience de soirée de ma vie. Oh. Franchement, l'histoire à la fin. Ah, oh, j'ai une histoire. Pour ça, Thomas, il a des photos de moi en train de tirer à l'arme. Tirer, ouais, oui, non, c'était un airsoft. Oui, on s'en bat les couilles, mais. Oh là là, mais la photo. Moi, je veux voir la photo. Et tu sais quoi, cette photo-là sera sûrement la couverture. On a Gabin en CRS, on a tout. Mais c'est qu'on était obligé de se lier à ce personnage parce qu'on était chez lui, on connaissait personne. Mais ces photos, mais c'est zinzin. C'est vraiment cette ambiance, tu connais pas le type et tu dois dire oui un peu à ce qu'il fait. Et ça, pour le coup, genre vraiment, je vous remercie, genre toi et Gabin, d'avoir joué le jeu, quoi. Enfin, genre vraiment d'avoir été. Jouer l'expérience. Ouais, c'est ça, c'est bon. On sait. Oui, après, on s'est avec marré. Avec du recul, c'est une bonne soirée. C'est une super soirée dans le sens original. Où on s'en souvient, tu vois. Mais en vrai, c'était le pire moment de notre vie, quoi. Bah, sûrement, quand t'attends pendant une heure un transport qui est au bout de ta life. Mais ça, c'était le fond de l'affaire. C'était le fond de l'affaire. C'est qu'avant, c'était tapé toute la soirée où le mec était ouvertement raciste. Et nous, on était là avec Gabin, on était là avec Emma, on dirait. Ouais, mais gros, ce que tu dis, on. Mais il y avait zéro personne avec qui vous pouvez parler. Final, zéro, c'était que des zinzins casse-couilles. Et sauf que moi, en plus, j'étais à une époque où. J'avais pas de potes. Et j'étais. Comme moi ailleurs maintenant. Eh, moi, je suis là, Victor. Oh, waouh. Je suis avec toi, Victor. Non, mais toi, tu vas pas tarder à quitter aussi, c'est sûr. Tant que j'ai pas de travail, je pars pas. Bon, je serai peut-être là, peut-être à Paris la moitié de l'année, mais tranquille. On ira faire la fête ensemble sans Emma qui nous abandonne. Oh, ça va, Senna, vous êtes bienvenue à Paris. D'ailleurs, je lançais le bouteille à la mer. Je pense que quand tu auras cet appartement, on va peut-être enregistrer un épisode avec. Les nouveaux. Elsa, ta coloc. Oh, de fou, il va être Elsa de Bordeaux. C'est exactement. Elsa qui t'a viré. t'as viré de la chambre de Charles. Ouais, ouais, ouais. Génial. Mais elle est fatigante. Oh, c'est bon, j'adore. Écoute, oh, Elsa, bon. À cause de toi, Victoire a perdu son lit. D'accord. Elle ressemble triple de son abandon. Je la quitte pour celle qui l'a quitté de son lit. Oh la vache, oh, c'est bon, oh, je l'ai fait pour le. Victoire oh, le regard. Oh, le regard. Tu vas souffrir. Victoire, est-ce que t'as une autre, t'as pas une petite autre histoire à nous raconter? Ben moi, ça m'a fait penser à une anecdote, mais c'est pas hyper intéressant pour vous et j'en tire pas forcément. Enfin, c'est drôle, mais pas drôle. Est-ce qu'elle est courte ou est-ce qu'elle est longue? Elle est courte. Moi, je fais très court. Je me souviens de très court. C'est juste, je pense, que ça peut être coupé. Alors, marqueur pour Barry. Eh ben, on coupe. Allez. Vite. C'était une soirée à Paris. C'était dans, on était dans une un bar à Paris, non pas à Paris. Un bar avec Dylan entre autres. Dylan à Paris? Dylan mon ah, pote d'Orléans. Ah pas Dylan, Dylan. Non. Dylan à la Nord. Non, ça c'est Hugo à la Nord et c'est Dylan sur. Pardon. Et on fait une soirée et tout, on sort d'un bar et je sais pas, on glande un peu devant le bar et puis on voit des gens. Et les gens nous disent ah, venez faire after chez nous et tout. On prend le Uber, arrive. Le taxi. Je crois que c'était même pas un Uber, la vérité. Je pense que c'était un taxi. Tellement on est oh, loin. Honte. La honte, un Uber, même pas un taxi, quoi. Un taxi. Un même, taxi pas un même pas un Uber. Non, quoi. Pour dire tellement c'était wow, loin. C'est... Je monte dans voilà. Le coffre. Et nous voilà partis. Une heure de route, trois quarts d'heure, une heure de route. Mais on arrive enfin à l'after. Vous étiez pas. Où? Je sais pas. Et donc, il y avait quoi? Je sais pas, il y avait deux mecs et une meuf, je sais pas combien on était, Dylan et moi. Et on arrive dans un endroit super sympathique, il y a un feu de camp qui, en extérieur qui s'émet, mais genre, un feu de camp, t'as peur, un feu de camp qui faisait 1m50 de haut. Quand t'as peur. C'était à la fois dans une ancienne ferme, aux alentours de Paris, je sais pas, c'était un peu bizarre de base. Et puis, on rentre dans un espèce de chalet, dépendance, où on faisait soirée. Mais très cosy, ça avait l'air très sympa, très sympa. Bon, la soirée se passe, moi j'étais un peu choquée, les gens prennent de la coke et tout, c'était mes premières soirées en plus dans le délire, je me suis dit, what the fuck, les gens sont bizarres. Bon, la soirée se passe, au bout d'un moment on va se coucher, et je me couche et tout, et y avait... en fait j'apprends que le mec et la meuf étaient en couple, et chacun se dorme d'un côté et de l'autre de moi, et moi j'étais en sandwich. Et là, ok, je dors. Uh-huh. Et là, il y a une main du mec qui me touche. Je dis, ok. Et je sens une autre main qui ressemble pas à la main du mec. C'était la main de la meuf. J'ai dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils prennent de la cocaïne, ils me touchent, un mec, une meuf. Mais moi, moi c'était trop pour moi. J'étais... Le paradis. Ouais. Et le gars, ça m'a fané parce qu'il m'a déchiré un de mes pulls préférés. Attends. Non mais il se passait rien du tout. Il est passé de te toucher à te déchirer le pull. Ouais non mais je sais pas, il m'a pris un moment, je sais pas, il a mais il y avait rien de violent en vrai, j'ai rien vécu de violent. Mais je sais pas, il a tiré mon pull d'une façon ou d'une autre, ça me l'a déchiré le col. Et bref, j'étais très très malaisée comme un bébé innocent qui se couche et que tout va bien. Et voilà. Et avec je sais pas, bon bref, on se dort, il se passe rien du tout au final, tout va très bien. Il se passe rien. On se réveille avec Dylan et là on était perdu à une heure de Paris en after avec des inconnus et il fallait rentrer et c'était compliqué et voilà. Mais fin d'anecdote. En plus si vous avez mis genre 40 minutes, 45 minutes, une heure pour venir. Ouais. Gros pour partir, same shit. C'était l'enfer total, on a payé je sais pas combien de beurre taxi, je sais pas quoi. Pourquoi faire, pourquoi vous êtes allé là-bas? Voilà, c'est juste une anecdote qui m'a fait penser à celle-là parce que j'ai vécu de la galère dans cette soirée. Mais rien d'excitant, rien d'excitant. Au final, j'ai l'impression que on part sur l'idée que, surtout dans les, je sais pas si c'est une bonne soirée, mais les soirées qui marquent et qu'on raconte, c'est les soirées galères. Galère. Ouais. Galère. Ouais. Moi, je suis persuadé que ça, c'est que les meilleures soirées, c'est avant tout les soirées galères. Les soirées qu'ils ont prévues, où on avait tout prévu de faire comme il devait se passer, on s'en souvient pas. C'est les galères qui marquent. C'est les moments où on s'est fait chier, où c'était la merde, ou ainsi de suite. C'est comme si les moments de pur bonheur et de pure extase étaient un peu, bah, pour le coup, un peu comme de la drogue, où t'es tellement dans un état d'extase que tout devient flou, tout devient. Pas tant. Dans un autre état, je me dis. Ah non, pas tant, je pense pas. De pur bonheur. C'est tellement t'es tellement bien et confort que je sais pas. Ah non, moi je pense que, enfin, alors mon point de vue, c'est que genre en mode, il peut se passer des galères et tout machin, etc. Alors sur le moment, soit tu le vis plus ou moins bien, mais c'est surtout que le lendemain, genre en mode, bah c'est ton pote quoi qui a fait cette merde. Et genre en mode, ça renforce rien. Et puis ça, enfin, on a de la chance d'avoir des potes. C'est pas des pervers quoi. Sauf ah non, non, c'est toujours enfantin, gentil, par oui. respect de chaque chose. Mais narcissique. Hein ? Quoi ? Qui ? Un ? Deux ? Non, mais oui, ça dépend en vrai des galères, mais genre en mode. Toujours des bonnes galères, entre oui, guillemets. Ça quoi. Ça n'a jamais été rien de méchant. Non, ça va. Les amis, ça fait des heures entières qu'on parle. Beaucoup trop. Je vais vous demander s'il vous reste des anecdotes un petit peu plus courtes à raconter, peut-être des petites histoires, des petits trucs marrants, des trucs qui vous sont arrivés récemment, par exemple, je sais pas, un petit Thomas Rosier à Nantes, parce qu'on a presque pas entendu parler de tes soirées à Nantes, on a l'impression que tu fais pas la fête là-bas. C'est vrai. Ah non, je ne fais pas la fête à Nantes. Ah bon. Pourtant, c'est un chef de fête. Il fait la fête Nantes, que ses colocs. Non, on a fait quelques soirées, mais rien de très intéressant à Nantes. Si, peut-être une coloc qui était rousse, on va pas citer les noms, mais qui était rousse et qui était pas belle. Non pas que les rousses sont pas beaux, mais... Je soutiens toutes les rousses de France. Roussiste. C'était comment dire... Vous voyez les nains dans le Hobbit ? Non, pas du tout. Mais roussiste de fou ! Non, mais les nains dans le Hobbit, vous les voyez, c'est des hommes, ils sont virils, très bien. Mais maintenant, vous changez leur statut d'homme à femme, mais vous gardez le même physique. Mmh. Et ça, c'était une coloc qu'on avait, qui était adorable, mais pas touchable. Et cette coloc-là... C'est ce qu'il te fallait. Non. Merci, Victoire. Mais cette coloc-là... avait très envie de faire l'amour et c'était la période où Gabin venait un peu à la coloc. Ah oui. Et elle a crié à 3h du matin à tous les colocs: où est Gabin? Je veux faire l'amour. Et franchement, pas très belle ou très belle. C'est petit. Franchement, non, mais franchement, je pense que même très belle, il y a une meuf qui dit: il est où Barry? Je veux faire l'amour. Bon, je suis pas chaud. Hein. Ben oui, mais alors le problème, c'est qu'on est d'accord, Barry, toi t'es pas chaud. Oh non. Il a fait l'amour. Gabin, il a fait quoi? Gabin, il a fait mais. Oui, on m'appelle. Gabin, il a fait quoi? J'arrive. Exactement, Barry. C'est comme ça, maman criait à table. Exactement, sa mère a crié à table et Gabin a fait: écoute Thomas, moi je fais pas l'amour à une femme. Je fais l'amour à toutes les femmes. Je fais l'amour au sexe féminin. Exactement. Et Gabin, motivé comme il avait envie d'être motivé, s'est dit: je vais faire l'amour à 7 femmes. Et il était parti, mais c'est que la technique de drague de Gabin, c'est de faire une rivière. Une rivière ? Ah. Oui, c'est-à-dire Gabin. Le jeu d'alcool ? Bah oui, pas la Sèvre, Niortaise. Mais du coup, il a dit: je vais faire une rivière avec cette dame. Donc, pardon. Oui, oui, oui. Et... Une femme fontaine, une rivière. Ouais, non, il a fait une rivière de mouille, un jeu d'alcool avec. Ah, moi j'étais en mode rivière de mouille. Ouais. Ah, vous êtes dégueulasse. Vous êtes dégueulasse. Vous êtes dégueulasse. toi, merci Barry, parce que là, vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez. Je suis en larmes. Donc après, je prie le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il vous expie de vos péchés. La rivière de mouille. Donc après cette rivière de mouille, non, cette rivière d'alcool, on se dit. En tant que coloc, vas-y, ils font une rivière, on va les laisser tous les deux sereins. Ils vont peut-être faire l'amour. Et bien au final, les deux zigotos ont fait une rivière jusqu'au bout. Et ils se sont endormis comme deux ivrognes sur la chaise et le canapé sur lequel ils étaient assis. Non. Véridique. Sans faire l'amour, du coup. Sans faire l'amour. Putain. Après, je pense que c'était un message de Dieu. Hein. Si il fallait pas quoi. Un message de Dieu ? Non, son sexe le remercie. Mais le Dieu du sexe. Le Dieu du sexe qui est les enfants. C'est qui est le Dieu du sexe ? Il y en a pas. Ah, ça dépend. Est-ce que le sexe est être un bon bouillon ? C'est Dionysos, ça peut être Dionysos alors. Hein ? C'est qui le dieu du sexe ? Bah, je vous pose la question, qui est le dieu du sexe ? Mais y'en a pas. Vénus ? À proprement parler. Non, mais franchement, le dieu du sexe, vous savez pas qui c'est ? Ah, c'est. Bah, je pense. Après, humblement, mais peut-être. Je pense c'est WAM. C'est Vénus ? Non, Paris s'y balade, je crois. Non, franchement, moi. Hein. Non, c'est Harry Styles. Eh ben, on s'en bat les couilles. C'est nul. Ben, écoutez, donne pas du tout envie. Vous voyez cette phrase-là ? Je pense que ça aurait été le point le plus bas de cet épisode. Et je pense qu'on peut finir là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai faim, allons manger, mais s'il vous plaît. Écoutez, il est minuit 23, on a commencé... Je veux pas on a commencé... On a commencé à 21h27, il est actuellement minuit 23, on n'a pas encore Emma. Putain, pardon. Attends, je remets bien. Ça faisait... Et je parle au Barry qui va faire le montage. Voilà. Je te remercie de m'avoir convoqué à 19h. Non, alors déjà, c'est pas moi qui étais convoqué. Pour moi, 19h c'était beaucoup trop tôt. Il est minuit 23. Et ensuite, je remercie Emma d'avoir trop bu et de taper sur le. On est conscient que c'est le pire épisode qui a été enregistré ce soir. Non, il va être trop bien. Non, c'est le pire. Non, par contre, je le ferai avec toi le montage. Non, pas du tout. Ah, c'est le pire. Ah, si. Non. Si. T'es pas invité. Et Victoire, deux anecdotes. Une anecdote courte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une anecdote courte. Non, tu vois, c'est ça le problème, Thomas, c'est que nous, on sait se comporter après avoir vu plus d'un verre. C'est pas le cas de l'autre côté de la table. Et du coup, je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête ici, parce qu'on n'arrivera à rien en tirer. Donc, Barry, le problème, c'est les femmes. Non. Non. Je alors, vous aime. Non. Et je le dis quand même. Non. Qui suis ? Qui suis ? Qui suis ? C'est un supplice, hein. Bon, moi, écoutez, les amis, je suis très très heureux de vous avoir accueilli ce soir. Moi aussi, de fou, franchement, un vrai bonheur. Thomas, t'es très. Pile poil au moment où j'étais en train de dire que t'étais très radiophonique. T'aurais pu au moins me faire un geste, j'allais faire mettre un peu de réverb et ça aurait été encore plus drôle, mais bon. Non, parce que. T'étais très très radiophonique. Y'a pas besoin de réverb, y'a pas besoin de modification. C'est vrai que c'est qu'il est bon, c'est vrai que c'est fier, bon, ouais. Merci beaucoup, en tout cas, c'était trop trop cool. Franchement, ouais. Je suis très content. Faire plaisir. Mais j'ai un peu peur de ce qui va se passer si on éteint les mics et tout. Enfin, on va plus rien avoir à se dire dans la réalité là. Après, tu fermes ta gueule, Victor. Après, tu fermes ta gueule. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous dire que c'est fini. Vous allez croire que je vais arrêter d'enregistrer, mais je vais le laisser enregistrer. Et c'est là où je vais avoir le truc le plus intéressant que je vais être le seul à écouter et que je vais après supprimer. Et pourquoi tu le dis ouais. C'est le moment après, genre, t'insultes. Et je dors où, moi ? C'est ça la question. Il faut aller dormir. Messieurs, dames, bonne soirée. Merci beaucoup. Il faut qu'on dise au revoir aux auditeurs, s'il vous plaît. Au revoir les auditeurs. Merci beaucoup. Il y a très peu de chances que vous soyez encore là. À part moi qui fais le montage, je pense que personne ne va reconnaître ce moment. Et j'en suis heureux parce que c'est un supplice. Alors, d'accord. Si vous avez écouté cet épisode de 2 heures, on en a coupé 4, hein, finalement. Oui. Et, il est duré un peu plus long. Vous savez quoi, si vous avez écouté ce podcast, jusqu'au bout, vous allez voir que sur Spotify, si vous swipez vers le haut, pendant que vous êtes dans la lecture, il y a des petites questions, il y a une petite Q&A, etc. Ah, oui, donc, je vais poser une question, vrai. Comme je fais à chaque fois, et répondez la phrase suivante. J'aime la Guinness, savez-vous comment ? Oui, et comme ou ça, je vous paye une bière. La prochaine fois, je vous paye une bière parce que voilà, on est ensemble. À celui qui répond. Vous serez... Ouais, j'aime celui qui Guinness, répond. La Guinness, quand elle est bien fraîche, je la bois toute du test. Bon, par contre, on va pas se mentir. L'ingé son a besoin d'argent. Oui. Donc, faites donnez des dons. L'argent. Je sais pas où vous faites des dons, mais démerdez-vous. Non, mais donnez-moi juste de l'oseille à moi directement. Donnez de l'oseille parce que là, à l'heure actuelle, on peut faire que des podcasts à 4. Donner un peu d'oseille pour qu'on fasse au moins des podcasts à 6, voire ah à 5. Ah non, alors ça, c'est juste qu'il me faut 100 balles, j'en rajoute une autre carte son, il n'y a pas de galère. Hein. Voilà, faites ça. Envoyez 100 balles, et puis. Enfin, envoyez 100 balles chacun, ça je pourrais acheter une grosse carte son, ça serait bien. Ok, bon, bah écoutez, Thomas, merci beaucoup. Pendant que tu exploites ta cigarette électronique, je te remercie. Bah merci, merci Barry. Bah pas merci à vous parce que je devrais être à Nantes, il est minuit, je vais dormir ici mais tu partiras le matin. Et comme ça t'as esquivé le blocus des agriculteurs. Oui, c'est vrai parce que tu peux pas aller à Nantes là. Alors non.